Et salut à tous, je suis Editor, je suis en compagnie de Dylan. Salut, salut. De Dimitri. Salut. Et on vous souhaite la bienvenue sur le nouvel épisode du Portail Instable. Alors Edouard, je crois qu'il y a pas mal de choses qui ont changé depuis la dernière fois. Ouais, pas mal de choses, et déjà le fait que notre podcast a été pas mal diffusé sur pas mal de sites, donc principalement, les trois sites qui nous ont cités, c'est Earth News, Hearthstone Deck et Blizzard, qu'on a contacté et qui ont fait un petit article sur nous, donc un gros merci à eux, c'était très très chouette de leur part, et donc voilà, notre podcast a eu... plus de succès que ce à quoi on s'attendait. On a fait, j'ai plus de chiffres, mais je crois 2500 vues sur YouTube, c'est ça? Voilà, 2500 vues sur YouTube, et si on cumule avec tous les écoutes et les téléchargements, on est à peu près à 3000 écoutes. 3000 écoutes, ouais, plus celles sur YouTube, parce que sur iTunes, parce que oui, entre-temps, on est aussi sur iTunes. Oui. Ça fait vachement plaisir aussi. Donc voilà, depuis la dernière fois, on a vraiment tenu compte de vos remarques. Vous nous aviez dit que ça aurait été bien d'être sur iTunes, d'être en téléchargement, tout ça. Donc on a tenu compte de tout ça. Et donc, pour cet épisode, c'est le cas. On est sur tous les réseaux sociaux. On a créé un Facebook et un Twitter aussi. Donc n'hésitez pas à nous poser des questions dessus, à rejoindre les pages, à liker, à faire tout ce que vous voulez. Mais voilà, on est présent, on est présent là-dessus, donc vous pouvez nous contacter via tout ça. Et donc pour le programme de cet épisode, on va d'abord commencer par les news, comme la dernière fois. On parlera d'abord de Black Rock Mountain et de la date de sortie qui a été annoncée, c'est le 3 avril, ça arrive très bientôt. Ensuite, on ira sur les nouvelles cartes, donc une dizaine de nouvelles cartes qui ont été annoncées, on va en parler et faire notre analyse dessus. On parlera ensuite du record du monde établi par Mami Twinx, vous en avez sûrement entendu parler, on va vous l'expliquer. Et on finira sur une interview par les développeurs de Hearthstone, on va vous résumer un petit peu ce qui a été dit concernant Black Rock Mountain et la suite de Hearthstone en général. Ensuite, on arrivera sur le lore, donc cette fois-ci, on s'attaquera au dragon de Azeroth. On aura ensuite les conseils pour les débutants, où on parlera des cartes à crafter, quelles cartes vaut mieux crafter quand on débute, pour être sûr de taper dans les cartes rentables. On va parler des modes de jeu alternatifs, il y a quelques modes de jeu où les règles diffèrent un peu des règles de base de Hearthstone, on va vous les présenter. Et enfin, on finira sur le courrier des auditeurs, où on lira vos mails, certains de vos mails du moins, et on répondra aux questions qui nous ont été posées. Voilà, on y va ? On y va ! On y va ! On commence tout de suite avec les actualités de ces dernières semaines. Et l'actualité principale, c'est l'annonce de la date de sortie de l'extension. Donc, qui est le 3 avril. C'est un vendredi. Et ouais. C'est assez surprenant que ce soit un vendredi. D'ailleurs, à la base, c'était une annonce un peu non officielle. Un truc qui a un peu fuité. Il y avait beaucoup de rumeurs, ouais. Mais c'était pas le 2 à la base ? Moi, j'avais beaucoup entendu parler. Il y avait beaucoup de rumeurs comme c'était le 2. En fait, ça dépend, c'est les dates coréennes ou américaines et tout, ça décale. Mm-hmm. Et donc, du coup, comme c'était un vendredi, ça paraissait un peu suspect comme annonce. Les gens y croyaient pas trop. Finalement, il s'est avéré que c'était vrai. Donc, ils changent leur habitude du mardi. C'est étonnant. Et du coup, c'est beaucoup plus tôt que ce qu'on pouvait penser. Parce que généralement, ils t'annoncent un mois et après, ça arrive en fin de mois. Et là, c'est dès le début. Effectivement, et est-ce que vous, dans notre groupe, est-ce que nous avons précommandé ou économisé plutôt ? Edouard, comment t'as fait ton compte ? Moi j'ai justement économisé et je m'attendais pas à ce que ce soit si tôt, du coup j'ai pas tout l'argent que je voulais. À combien as-tu arrivé ? Je suis à 1400 et quelques, mais j'ai encore deux quêtes à faire, je crois, donc d'ailleurs après le record je vais aller les faire. Ah oui, ça donner les 1400 restants. Ouais, c'est clairement. Non, mais bon, déjà, j'ai de quoi prendre les deux premières ailes, donc ça va, je suis bien, ça devrait aller, je vais pouvoir tout prendre normalement. Ok. Et toi, Dimitri ? Moi, j'en suis à 1465, donc j'avais économisé aussi. Mais j'essaie de résister à la tentation de précommander. Donc pour le moment, je ne sais pas encore. Et toi, Dylan, t'as déjà précommandé, c'est ça ? Voilà, j'ai précommandé le jour même où je pouvais. Et... j'ai pris tout de suite, j'ai pas hésité. Tu es faible. Je suis faible. Mais l'autre carte était tellement bien aussi. Oui, c'est vrai qu'il était. C'est vrai qu'il était très très joli. Voilà. On enchaîne sur les cartes. Ouais. Oui. Donc il y a eu 10 cartes qui ont été annoncées entre ces deux épisodes. Mm-hmm. Et comme la sortie est bientôt, ils vont annoncer les 15 dernières cartes restantes lors d'un live le lundi 30. Et donc, les conditions de record font que on ne parlera pas de ces cartes-là. Non. Parce que nous, on n'est pas encore au courant. Elles ne sont pas encore sorties dans notre présent. Donc, voilà, il y a 15 cartes dont on ne vous parlera pas. On va vous donner notre avis sur les 10 qui ont déjà été annoncés. Sur le coup, moi, quand j'avais entendu qu'il y avait que c'était lundi, ce qu'ils n'avaient pas dit le 30 mars, ils avaient dit que c'était pour le lundi, le live, je pensais que c'était le 1er avril et je pensais qu'ils allaient faire plein de blagues, en fait, à ce sujet. Mais non, c'est le 30, donc il n'y a pas de raison qu'il y ait de blagues du 1er avril qui soient faites là-dessus. Ouais, ouais. D'ailleurs, mais... peut-être qu'il y aura une surprise pour le 1er avril. Ah, moi, je sais pas si c'est dans leur habitude, Edouard, toi, qui connais bien. Si, très très clairement, les races jouables sur World of Warcraft. Le panda arène de Warcraft 3 était à la base un poisson d'avril, qu'ils ont ajouté à Warcraft 3, et c'est quand même fini en extension de World of Warcraft. Peut-être que pour le 1er avril, ils vont modifier Dr. Boom pour en faire une 30-30. Ah, 30-30, voilà. Ah non, mais moi j'attends vraiment beaucoup les poissons d'avril de Blizzard, que ce soit sur Hearthstone, Heroes, Starcraft, etc. J'ai vraiment hâte. Ou alors au contraire, comme ils sont sadiques, je suis bizarre, ils pourraient faire aussi, c'est un nerf de Dr. Boom annoncé, info, et en fait ils font le lendemain ils disent en fait c'est une blague, et puis là t'as tous les joueurs qui sont dégoûtés. Ouais, ce serait non, c'est un peu sadique ça, je suis pas sûr que ce soit l'esprit. De... Non. 1er avril. Ce serait pas très très productif, je pense. Non, mais c'est le genre de blague qui font rire que Blizzard, donc ça pourrait marcher. Bon, alors les cartes... Ou alors ils vont nerfer Bourbi aussi. Ouais, c'est possible. Bande de salauds. Bon, les cartes, on en parle. On va commencer avec l'œuf de dragon. Ouais. Alors, l'œuf de dragon, c'est une rare neutre 0-2 pour 1 point de mana qui a pour effet d'invoquer un dragonnet 2-1 à chaque fois que ce serviteur subit des dégâts. Alors, c'est une carte qui, en soi, elle est beaucoup moins bien que l'œuf de Nérubien. Quand on compare avec l'œuf de Nérubien, elle coûte 1 de plus et elle a un effet beaucoup plus puissant. Invoquer une 4-4, c'est clairement plus intéressant qu'invoquer... une 2-1, voire 2-2-1, voire peut-être 3-1-1 si on arrive à la soigner, etc. Donc clairement, au niveau du combo, elle est vachement moins intéressante, d'autant plus que contrairement à la devenir bien, elle ne synergise pas avec tout ce qui râle d'agonie, et c'est même pas considéré comme un dragon, parce qu'apparemment tous les synergies avec les dragons, c'est ça demande de posséder un dragon dans la main, et donc là c'est même pas le cas. Donc moi, je crois pas trop au potentiel de cette carte, mais peut-être qu'avec certains boosts, certaines classes, genre le prêtre, il y aura peut-être moyen de la booster, je sais pas. Ça à voir, mais disons que par rapport à l'œuf de Nérubien, justement, qui était plutôt un anti-zone, cette carte-là serait plutôt en fait une carte qui mérite d'être boostée pour vraiment profiter des effets. Ouais, en fait. Donc c'est assez différent à jouer par rapport à l'œuf de Nérubien. La comparaison est logique, mais après, c'est vrai que ça va être très différent à jouer. C'est une carte à voir. Pour l'instant, le potentiel est très difficile à donner, parce qu'on ne peut pas savoir vraiment comment ça va se jouer. Mm-hmm. On passe peut-être sur la carte suivante, donc le corrupteur de l'aile noire, qui est une commune neutre, donc 5-4 pour 5, qui possède un crit de guerre assez énorme, qui inflige 3 points de dégâts si vous avez un dragon en main. Donc on retrouve la mécanique la synergie qui dragon, était déjà... la synergie dragon. On retrouve la mécanique également avec, justement, par rapport à la technicienne de l'aile noire, on a le corrupteur de l'aile noire qui demande également d'avoir un dragon en main. Ça fait penser à une carte... que les chamans affectionnent particulièrement. Voilà. Ouais. L'élémentaire de feu qui inflige 3 points de dégâts, également qui coûte 6. Cette fois-ci, celle-là, elle ne coûte que 5. Bah, il demande un dragon à avoir en main, par contre. On peut comparer ça aussi avec le Lob Bomb, qui, on rappelle, le Lob Bomb coûte également 5, qui fait 4 points de dégâts, mais ça reste une 3-3. Là, pour 5, c'est aléatoire, ça 5-4. C'est aléatoire, surtout. C'est aléatoire aussi, également, j'ai oublié. Alors, on fait un dégât de moins, mais on a des meilleures stats. Et dans on peut viser cas, le héros. Et on peut viser le héros, effectivement. Donc vraiment, cette carte-là reste très intéressante, qui va jouer forcément dans les traits de dragon, ça c'est sûr. Mais que même si on n'a pas de dragon en main, poser une 5-4 pour 5, ça restera tout à fait correct. C'est les mêmes stats que Harrison John, je crois, non? Oui, tout à fait. Donc, oui, vraiment, ça reste, très, ça reste très bonne correct. Quoi. Ouais, l'élémentaire de feu, c'est un must-have du chaman, hein, ouais, de manière générale. Je pense que cette... Avoir cette carte-là pour de manière neutre, dragon, c'est une bonne chose pour un deck dragon. Mm-hmm. Enfin, toujours une créature très forte. Ensuite, le Drake volcanique, un dragon encore, une commune neutre 6-4 pour 6, qui a comme effet, donc parce que vous avez pu vous rendre compte que pour le moment ça paraît pas terrible, donc qui coûte un cristal de moins pour chaque serviteur mort pendant ce tour. Donc moi, au début, je pensais que c'était un peu nul, parce que c'était assez compliqué. À mettre en place, et finalement je pense qu'on va vraiment pouvoir faire assez facilement baisser son coût de manière à prendre un board advantage et de faire des très bons tours de gagner du tempo grâce à cette carte. Donc je pense que ça ira bien dans les decks dragons. Et que finalement c'est une assez bonne carte. Ouais, après elle marche surtout bien, je pense, avec quand tu peux faire des combos genre avec lâcher les chiens ou le combo égalité consacre. Oui, bah même simplement également le la pour 3 qui fait venir le marteau et puis les 3-1-1 sur table. Tu peux comboter avec ça aussi en sacrifiant les 3-1-1. Le marteau qui fait venir les. Oui, voilà, pardon, j'ai un problème avec les noms des cartes ce soir. Donc le Master for Battle, on peut sacrifier les 3-1-1 et faire en sorte que cette carte ne coûte plus que 3. Donc c'est vrai qu'il y a des possibles. C'est sûr, mais ça, c'est pas des cartes qui en charge. Donc je veux dire, il faut les poser sur le terrain, espérer que l'adversaire les trade pas, les trader au tour suivant, ça me paraît un peu. Bah, un disons peu compliqué, ça pourrait permettre des combos, enfin, disons, mettre une grosse créature et permettre d'avoir mettre une autre grosse créature à un petit coup, en fait. Donc, ça peut être comme ça. Mais j'ai peur que cette carte devienne une sorte de carte entre guillemets morte dans la main parce que bah, elle est un peu trop faiblarde au niveau des points de vie avec 4 points de vie. Ah oui, mais après, bon, tu peux quand même la jouer assez facilement. Dès qu'il y a le moindre trade, elle va descendre à 4 points de mana, 3 points de mana, donc c'est pas impossible de la jouer. C'est pas la carte la plus folle, mais ouais, elle peut avoir son intérêt. En arène notamment, je pense qu'elle peut être pas mal. Hein. En arène, ça va être correct, ouais. Où il y a beaucoup de petites cartes qui sont jouées qui se traitent facilement. Bah, imagine, tu mets Kel'Thuzad, tu traites toutes tes créatures. Voilà, tu peux mettre deux Drake volcaniques gratuitement. Ouais, c'est sûr. On enchaîne sur l'écraseur draconide, qui est une commune neutre dragon, une 6-6 pour 6, qui a pour cri de guerre de gagner +3/+3 si votre adversaire a moins de 15 points de vie. Je pense que en soi c'est pas dégueu, c'est pas si mal. C'est une très bonne carte. Après, comme on l'avait souligné, on peut penser tout de suite au combo Alexstrasza, 15 points de vie au moins, tout de suite on pense Alexstrasza plus ça. Ça revient quand même très cher parce que Alexstrasza elle coûte 8 ou 9 je crois, j'ai un doute. 9. Donc elle coûte 9, c'est-à-dire à un tour on pose que Alexstrasza, au tour suivant on pose ça pour 6, donc on a plus beaucoup de mana à côté, ça fait quand même deux tours très lents où on met juste des 9-9 qui vont pas, contrairement à un Dr Boom ou quoi, elles vont pas avoir des effets en plus, ça va juste être des grosses cartes, donc ils peuvent être facilement gérés avec juste une boule de feu et un trade en plus ou quelque chose, donc c'est quand même assez lent, donc c'est pas forcément comme ça qu'il faut l'avoir, mais après ça peut être intéressant dans le sens où bah une 9-9 ça va aller chercher ça va forcer l'adversaire à jouer ses silences, ses chips, ses mid game hunter, tout ça, et derrière voilà. Ça va protéger les grosses cartes qu'on pourrait sortir qui ont plus de valeur que celle-là. Quoi. Et j'aimerais rebondir là-dessus justement, dans le sens où les futurs decks dragons qu'on va avoir seront sans doute remplis de pas mal de créatures avec 7 d'attaque ou plus. Et on peut penser donc s'il y a par exemple 2 cartes comme ça dans le deck et qu'on les joue après que l'adversaire a en tout 15 points de vie, ça fera encore 2 9-9 à gérer. Un Big Game Hunter, un dans un deck, dans les decks c'est souvent possible, mais 2 c'est déjà beaucoup plus rare, sauf dans les decks druides on peut en jouer 2. Donc disons, est-ce que les adversaires arriveront toujours à gérer autant de créatures avec autant de dégâts et de points de vie surtout? Ça va être assez compliqué, donc je pense que ça peut être une très bonne carte à avoir en jeu également, mais ce sera une bonne carte. Et surtout en arène, ça reste une des meilleures cartes à avoir, parce que les stats sont tout à fait honnêtes pour une 6-6 pour 6, c'est tout à fait correct, mais en plus il y a du 9-9 en arène, ça reste très très puissant. C'est pas très très dur, descendre l'adversaire à 15 points de vie, c'est pas très très dur, pour peu qu'on ait un deck un poil agressif, c'est quand même Mais dans un deck agressif, c'est... T'as pas la... Enfin, y a... Non, je dis un poil agressif, je parle pas d'une bah, de manière full fight. Il n'a pas d'effet directement quand il arrive, c'est ça le problème principal de cette carte, c'est que tu la poses, surtout dans un deck agressif, ouais. Tu la poses tour 6, ce que tu veux, c'est pas une carte non, bien sûr. Qui peut ne rien faire sur le terrain. Quoi. Je parlais d'un deck un poil agressif, donc pas un deck qui va commencer à faire des dégâts à partir du tour 9 ou 10, ou un deck one turn kill, ces choses comme ça. Je pense que c'est faisable assez facilement de descendre un adversaire à 15 points de vie, surtout en arène. Surtout qu'en plus en arène, l'une des cartes qui est pas mal pris en épique, c'est le... vous voyez, j'ai oublié ce nom, la carte qui, pour, la 8-8 pour 5 là, qui fait détruire 3 cartes. Oui, le Fell River, je sais pas comment il s'appelle. Le Fell River, voilà. Je sais pas comment ça s'appelle en français. J'ai plus non plus. C'est une carte qui est quand même beaucoup prise en arène parce qu'elle est très puissante pour 5. Et là, on pourrait avoir à peu près la même chose pour un coup de plus. On aurait une 9-9 pour 6. Et sans contrepartie. Donc vraiment, en arène, sans contrepartie, mais plus dur à jouer, quoi. Oui. On enchaîne sur la suivante. Ouais. Donc le sorcier draconien, qui est donc une commune neutre dragon également, qui est une 3-5 pour 4, donc les stats d'un Sengin, mais qui a pour effet gagne +1/+1 chaque fois que vous ciblez ce serviteur avec un sort. Donc on pense tout de suite à beaucoup de combos, notamment avec le prêtre qui a des sorts qui quand même bien booster ses créatures. Donc faire déjà rien qu'un sort utilisé sur cette créature, ça fait une 4-6 pour 4. En plus, du bonus que vous lui donnez, ouais. C'est ça. Donc, disons que c'est une carte qui peut passer un peu partout dans beaucoup de decks. On pense également avec les pièces détachées, parce que Goblin Knight qui a ramené pas mal de cartes à 1 qui donne des bonus sur les créatures. On peut penser avec le combo sur ces draconiens, ça peut être très très intéressant. Après, on peut penser également à des decks vraiment OTK justement, donc one turn kill, avec par exemple le chaman qui avec ses armes croc-croc, furie des vents, qui va permettre de booster bien le sorcier draconien d'elle-même plus les effets des sorts. Mais pareil avec le voleur avec son conceal, donc le camouflé, qui peut faire quand même beaucoup de dégâts. Donc vraiment c'est une carte très bonne. Maintenant il faut voir est-ce que ça va vraiment rentrer dans les decks, est-ce qu'on pourra profiter. Je pense que oui. Est-ce que dans les decks vraiment sérieux de dragon, c'est possible? À voir si on a encore une fois de la place. Pas, parce que... ça dépend de quelle classe. Ça dépend vraiment ça beaucoup dépend de la classe, parce qu'il faut des sorts qui coûtent pas cher. Il n'y a pas, non, y a pas forcément beaucoup de classes qui jouent en tout cas avec les sorts qui se mettent sur leur serviteur. Ouais. Parce que par exemple, si on prend le paladin, ils en ont des sorts qui se mettent sur nos propres créatures, mais ouais, finalement, ils ne sont pas joués, construits pour le moment. Voilà. Est-ce que... les gens vont faire des decks pour utiliser cette mécanique, c'est pas sûr. Bah, de toute façon, ça on ne le saura que quand la metagame aura vraiment changé, que quand la carte sera vraiment ancrée dans la metagame, on pourra le dire à ce moment-là. Pour l'instant, c'est assez dur de dire. Je pense pas qu'il va y en avoir beaucoup, mais je pense qu'elle peut être intéressante. Pour les decks méca, moi, je pense pas qu'elle aura sa place dedans. Non, je pense pas, mais... Non. On verra, ou alors vraiment des decks qui tournent autour de ce sorcier draconien justement, comme l'est actuellement les gobelins par exemple, et des gobelins, peut-être qu'il y aura des decks spéciales de sorcier draconien. Ouais, mais c'est pas une assez grosse carte pour vraiment te baser complètement dessus, je pense. On verra. Bon, pourquoi pas. Et enfin, la fameuse légendaire. Ouais, on va te laisser parler, Edouard, hein, pour dignement pour cette légendaire. Alors, Nefarian, dont on a parlé de l'histoire la dernière fois, qui est une légendaire neutre dragon, une 8-8 pour 9, qui a pour gré de guerre d'ajouter deux sorts aléatoires dans votre main en fonction de la classe de votre adversaire. Donc si vous jouez cette carte en jouant contre un prêtre, vous allez créer deux sorts de prêtres dans votre main. Vous les volez pas à l'adversaire, voilà. vous les ajoutez vraiment dans votre deck. Les deux sorts aléatoires, ça provient des cartes en général de l'adversaire, hein. C'est pas du deck de l'adversaire qui est fait. Hein. Donc, des cartes de la classe, il n'y a pas besoin de les avoir. Mm-hmm. Donc moi je pense que la comparaison avec Isera et Nephilon est assez évidente, quoi. C'est des cartes qui permettent vraiment de piocher mais sans user votre deck. Donc, ça paraît pas si fort que ça. Advantage. Ouais, voilà, ça paraît pas si fort que ça, mais c'est vrai que dès que les parties s'éternisent un peu, ça fait vraiment une grosse différence, quoi. Pouvoir aller chercher deux cartes comme ça sans pour autant les réduire de son deck, c'est quand même très fort. Bah, finalement, ça permet d'avoir 32 cartes dans son deck avec cette carte. Ouais, clairement. Et qui plus est, des sorts de classes aléatoires, enfin, il y a des trucs très très puissants. Enfin, on peut aller chercher des chips, des chocs de flamme. Ça reste aléatoire, il y a quand même beaucoup de cartes aussi. Voilà. Beaucoup de sorts qui vont servir à rien. Bah, il y a des sorts qui coûtent. Des trucs comme ça, donc déjà bon, ça a moins de valeur, et il y a des sorts qui sont vraiment pas très utiles. Quand on réfléchit, il y a beaucoup de sorts qui sont pas du tout utilisés, quoi. clairement. Et puis après, il faut dire aussi que la plupart des sorts de classe, bah ça combote avec la classe en jouée, donc si on change de classe, c'est pas sûr qu'on trouve. On pense facilement au poison des voleurs, on pense au air du bouclier, enfin voilà, c'est des cartes qui sont très difficiles à jouer. Moi je pense que c'est surtout contre le voleur que ça va être difficile, parce qu'il y a plusieurs poisons, il y a les... c'est Déluge de l'âme qui détruit l'arme, oui. C'est l'autre. Ouais. Déluge de l'âme, ouais. Déluge de l'âme. Donc voilà, il y a beaucoup de combos avec le voleur qui sont basés sur l'arme, et même chez le guerrier il y en a. Je pense que dans toutes les classes, il y a au moins un ou deux sorts que vous pouvez avoir qui vous serviront à rien, quoi, que vous n'aurez pas la possibilité d'utiliser. Ce que je voudrais rajouter, c'est qu'en arène, le card advantage c'est super important, donc elle sera... Bon, on va pas l'avoir beaucoup en arène, parce que c'est forcément légendaire, donc elle s'en sert pas souvent, mais les gens la choisiront souvent, je pense, quand ils auront le choix. Après, en arène, c'est quand même une carte qui coûte 9. En arène, les parties sont quand même, de manière générale, un peu plus courtes que les autres parties. Quand t'avances, quand t'es assez loin en arène, c'est plutôt des decks contrôle. Bah, d'accord, ouais, c'est plutôt du contrôle, et le problème, c'est en fait le gros compromis de cette carte, c'est qu'elle donne un certain card advantage, mais le problème, c'est qu'une fois que tu arrives sur le terrain, tu la joues, bon certes, tu gagnes 2 sorts, mais c'est tout, c'est pas rien d'autre avec... dans l'immédiat. Et voilà, c'est pour ça qu'en construit, ça sera peut-être pas joué, à moins vraiment d'être dans un deck qui peut se le permettre, comme un guerrier contrôle. Je pense que vraiment, comme elle fait rien immédiatement, elle aura du mal à s'imposer. Ouais, mais l'effet est quand même, enfin la contrepartie est quand même vraiment bonne, quoi. Enfin, comme on l'a vu, Isera et Neptune, c'est quand même des cartes qui sont très très utiles. Et je pense qu'elle va, elle va s'intégrer dans beaucoup de decks. Pas, non, pas dans tout, je viens juste d'imaginer 2 minutes un guerrier en train de balancer une boule de feu damage. Ça me fait doucement rigoler quand même. Ça arrive déjà, ça, avec les copies d'Antonidas, etc. C'est déjà arrivé, ça. Et ça fait mal. Oui, mais disons, l'image vraiment du guerrier, de gros mage, ouais, en train de préparer une boule de feu, c'est quand même assez rigolo, quoi. C'est... Oui, c'est sûr. On enchaîne sur les cartes de classe. Ouais, ouais. On va commencer avec Lattice Flamme. Donc une carte mage rare et une 2-4 pour 3. Donc et qui a un effet un peu particulier, qui est que quand vous lancez un sort, elle inflige 2 points de dégâts répartis de façon aléatoire entre les adversaires. Donc c'est un drop 3 qui paraît intéressant pour le mage qui elle n'a pas forcément. Qui se place plutôt bien dans une méta pour contrer les decks agressifs. En particulier les chasseurs qui jouent beaucoup de cartes avec un point de vie. Par contre, est-ce que le mage aura beaucoup de sorts à lancer pour activer? Est-ce qu'il voudra se sacrifier un petit peu, enfin lancer un sort un peu prématurément pour bénéficier de l'effet? C'est... Voilà, il y a un peu de ça. Disons que le problème, c'est que le mage, enfin le problème, aujourd'hui le mage a quand même beaucoup de très bonnes cartes, et je pense que comme la plupart des decks, c'est très difficile de toujours lâcher une place pour justement mettre de nouvelles cartes. Est-ce que Lattice Flamme sera suffisant pour dire je mets ça dans mon deck mage? À l'heure actuelle, moi je dirais plutôt non, mais encore une fois, ça dépendra beaucoup de la méta en fait. Si la méta devient beaucoup plus agressive, on la verra probablement, mais si ça devient beaucoup plus contrôle, et c'est ce qui semble être annoncé, je pense qu'on va sans doute la mettre de côté. Ah, mais moi j'aimerais bien les projectiles des arcanes qui balancent 5 projectiles, c'est sympa. Ah, mais c'est vrai. Moi j'aime vraiment bien cette carte, je la trouve. Je sais pas si elle va te jouer, mais je l'aime beaucoup en tout cas. C'est vrai que dans un deck, vous savez, pourquoi pas tempo, comme on peut le voir un petit peu aujourd'hui, peut-être éventuellement ça pourrait rentrer dedans. Mais bon. Moi j'aime bien, je la tenterai en tout cas. Je fais bien envie cette carte là. Pas mauvaise, mais pas excellentement bonne. Et surtout qu'elle rentre pas vraiment dans les decks actuels. Ouais, voilà. Dans les decks actuels, elle passe pas trop. Non, mais il va y avoir des nouveaux decks Atis Flamme et l'autre Draconide. Comment il s'appelle? Le Drake. Le sorcier draconien. Le sorcier. Avec plein de Sora 1 pour bosser. Ouais, voilà. Moi j'aimerais bien. Mais je sais pas. On va enchaîner d'ailleurs avec un mélange Drake volcanique et puis de l'image avec le sort Souffle du Dragon. Donc il est un sort mage, hein, comme je viens de dire, qui est comme une carte commune, qui coûte 5 de mana, qui inflige 4 points de dégâts, donc déjà rien que ça on se dit c'est mauvais, mais attention, elle coûte un cristal de mana de moins pour chaque serviteur mort pendant ce tour. Et bah finalement on peut dire que cette carte là est très mauvaise, enfin très difficile à jouer, parce que déjà faut faire un sort à 5 pour faire 4 points de dégâts, c'est très très mauvais de base. Alors certes il y a l'effet qui peut coûter un cristal de mana, mais tuer beaucoup de serviteurs pour vraiment profiter correctement de l'effet, et encore, parce qu'il faut bien se dire que le mage a déjà le boule de feu pour 4 qui fait 6 points de dégâts, là ça coûte 5, ça fait que 4 points, et l'éclair du gif qui coûte que 2 mana qui fait 3 dégâts et un gel. Est-ce que donc même si on arrive à tuer 3 créatures sur le tour et profiter de l'effet, on ferait donc un sort à 2 qui ferait 4 points de dégâts. Autant mettre un éclair de givre à la place qui est beaucoup plus stable, et surtout qu'il y a un effet gel qui est beaucoup plus intéressant, enfin qui peut être très intéressant pour certaines classes. Clairement. Donc je pense que c'est une carte pourrie pour dire de mettre une carte pourrie pour le mage. Hein. Je ça permet de ça. Ce genre de carte permet un peu de stabiliser et de rendre les effets du Nefarian. Plus équilibré les cartes comme Nefarian qui te voilà, sortent des cartes aléatoires ou les portails instables. Je pense effectivement que si tu es face à un mage et que tu as Nefarian, généralement je pense que tu as beaucoup plus de chances d'avoir des très bonnes cartes en mage. Peut-être que ça va justement permettre un petit peu mieux équilibrer ce genre de choses en mettant un sort un peu plus pourri chez mage et donc éviter qu'il y ait des boules de feu très faciles à obtenir avec Nefarian. On pourrait avoir des Nefarian illimités. Nefarian te sort 2 portails instables, portails instables plus 2 Nefarian. Ah, c'est pas mal. Faire des... c'est pas mal. Une super action en chaîne. Mais bon, c'est le jour où quelqu'un voit ça. Trollden dans 10 ans, parce que faut réussir à faire ça. C'est bon, c'est marrant, mais je suis pas sûr que si tu obtiens que toujours des portails instables avec ton Nefarian, tu sois content parce qu'à un moment, la partie, l'adversaire va commencer à taper quand même un moment. Ah, mais c'est bien, tu pioches pas de cartes et t'en sors plein. Tu vas te meuler toi-même en fait. Non, parce que tu t'abîmes pas ton deck, c'est pas mal. Ah ouais, mais tu pioches quand même, donc. Enfin bref. On passe à la suivante. Une autre carte pour équilibrer, pour équilibrer les créatures du chasseur. Donc une carte chasseur, une bête rare, 4-4 pour 4, mais voilà. Qui a en trigger, gagne +3/+3 si votre main est vide. Donc s'appelle le rageur du magma. Ouais, d'ailleurs, il s'appelle le rageur du magma. Donc voilà, pas... c'est... Oui, c'est le rageur du magma, je l'ai pas dit, pardon. C'est pas grave. Et c'est vraiment mauvais pour moi, déjà, ben, pour plusieurs raisons. L'effet, l'effet est très difficile à mettre en place. Un chasseur qui arrive avec une carte dans ses mains, il est en top deck, et dans 9 cas sur 10, il a déjà perdu. Et puis même et aujourd'hui, aussi, avec toutes les pièces mécaniques qu'on peut récupérer facilement et qu'on peut pas forcément se débarrasser. Oui, c'est pas forcément évident de vider sa main. Voilà. Et ce qui est, qu'il faut noter aussi, c'est que tout le monde en ce moment joue des chasses au gros gibier. Et dans le deck chasseur, c'est la seule, ce sera la seule carte finalement qui sera susceptible de se faire BGH. Gros gibier. Oui, ça se dit pas en français en fait. De se faire gros gibier. Et donc, il va s'empresser de, notre adversaire va s'empresser de jouer sur ça. Alors que sinon, ça serait resté une carte morte dans sa main. Ouais, voilà. Donc à part vraiment un combo un peu chou avec le Rhino Tatundra qui tu joues en dernière carte, t'arrives à te débarrasser de l'autre carte et que tu joues ça et qu'il se passe 7-7 charge. Après peut-être en arène, éventuellement, ça peut arriver de se retrouver vraiment sans carte. Bah disons que pour 4, je pense que t'as des meilleurs drops pour 4 quand même, parce que une 4-4 pour 4 ça reste, je pense, très pauvre vu les drop 4 qu'on a. Ouais mais en arène t'as plus tendance à te retrouver sans carte, donc peut-être. Ouais voilà, en arène peut-être. Mais bon, ça, c'est pas... Voilà, c'est pas ça qui va retourner la partie, quoi. Sauf si vraiment l'adversaire a moins de 10 points de vie. Si vous êtes tous les deux en top deck, ça peut aider. Tu peux espérer lui mettre les 7. Ouais, voilà. Ce sera quand même des situations assez rares. Voilà, le seul moment où on verra donc cette carte, ce sera la tisseuse qui va la donner et le chasseur en face va pleurer. Voilà. Sauf s'il y a des nouveaux hunters, mais dans les hunters actuels, ça passe pas. Alors, bah, quand tu vois qu'aujourd'hui, la plupart des chasseurs, désolé ceux qui jouent chasseurs, mais c'est des chasseurs un peu débiles, hein, avec des chasseurs rectes, hein, comme on dit, avec que des charges. Avec des charges. Et puis je me préoccupe absolument pas du board. Ça serait très étonnant qu'on retrouve cette carte-là. Non, cette carte-là ne rentrerait jamais dans un deck comme ça. C'est clair et net. Voilà. Et on a une dernière carte. Le chef de gang des gobelins. Des diablotins, des gobelins. Des diablotins, pardon. Déjà, j'aime bien son nom, le chef de gang, ça me fait mal. qui est une carte démoniste commune, qui est un démon. Et c'est une 2-4 pour 3, qui a pour effet d'invoquer un diablotin 1-1 à chaque fois que ce serviteur subit des dégâts. Moi, sur le coup, ça me paraissait pas si bon que ça. Mais c'est vrai qu'avec le recul, y a des combos très très bons à faire avec les decks vraiment orientés démons. Donc avec toutes les cartes pour booster les démons, notamment Mal'Ganis. Oui. Les feux démoniaques. C'est une tendance générale de Blizzard, justement, de décaler le démoniste. Parce que c'est vrai qu'avant, le démoniste était soit Enloch, soit Zo. Et là, on commence à voir, surtout avec les dernières extensions, grâce à Naxxramas également, avec l'implorateur du vide, surtout qui a mis beaucoup de choses en place. Ouais. On voit qu'il y a beaucoup plus de démonistes maintenant qui se jouent vraiment avec des thèmes de démons, de Sumi Enloch, qui garde quelques aspects de l'Enloch, mais qui part vraiment avec du Mal'Ganis aussi. Et qui sont un peu plus agressifs également, donc c'est vraiment intéressant parce qu'on sent vraiment que le démoniste change complètement dans le démoniste manque un peu de démons intéressants et ils en rajoutent au fur et à mesure. Et donc le démon de lock sera de plus en plus viable. Et cette carte va dans le bon sens pour ça, oui. Bah, clairement, surtout qu'en clairement. Plus, les stats sont très bonnes 2-4 pour 3, c'est tout à fait bon. Et surtout que pour la tuer, on va mettre un voire deux coups, ça met 2-1-1 supplémentaires qui sont probablement des démons, donc qui vont fonctionner également avec Mal'Ganis, mais également avec d'autres cartes comme le feu démoniaque par exemple. Puis avoir des tokens 1-1 sur table, c'est toujours très bon pour aller chercher un petit bouclier divin, des choses comme ça. Donc, Et même pour le démoniste, il peut les sacrifier pour se soigner avec comment il s'appelle, le pacte sacrificiel. Oui, donc c'est pas très joué non plus. C'est pas très joué. Non, mais même un voile de lame pour piocher. Je pense que le démoniste, avoir des 1-1, c'est bon pour lui. Quoi. Et puis surtout, c'est des démons. Surtout, elle coûte 3. Et c'est très bien parce que c'est vrai que le démoniste, à l'heure actuelle, bah, justement au début de partie, et puis surtout entre 3 et 4, il avait un petit vide, on va dire, un petit creux. Ouais. Là, ça pourrait boucher un peu ce comble. Ça peut être vraiment très intéressant. Un peu ce comble. Oui, ça veut rien dire. Je me rends compte. Ça pourra combler un peu ce creux. Voilà, merci. Va combler ce creux et sans doute remplacer peut-être la rampante qui joue actuellement et qui est pas forcément ultra efficace. Ok. Voilà, on a fait le tour. Je pense que c'est tout pour ces cartes. Voilà. Ouais. Et on va pouvoir enchaîner sur la suite. Alors maintenant, nous allons un peu quitter le domaine des cartes et parler plutôt de Hearthstone en général et en particulier de sa communauté, avec un record du monde qui a été réalisé cette semaine grâce à Mami Twinks et son équipe. Donc, ils ont décidé de faire comme record de réaliser le tour de Hearthstone le plus long. Alors, il faut savoir qu'à la base, un tour dans Hearthstone, ça dure 90 secondes, mais ça ne s'interrompt pas avec les animations. Donc, ça peut durer un peu plus longtemps et c'est surtout cette mécanique que vont se baser là-dessus pour essayer de réaliser ce record. Alors, on peut parler un petit peu de Mami Twink en général, qui c'est quelqu'un qui est connu dans l'univers Blizzard et qui a généralement l'habitude de faire ce genre de défis inutiles. Sur Hearthstone, voilà, surtout, il avait fait beaucoup de choses comme ça. Le plus de dégâts de fatigue, le plus de pioches en un seul tour, je crois que c'est lui qui l'a fait. Il a décidé de s'attaquer un encore plus gros morceau. Voilà. Alors, on va expliquer vite fait comment ils ont fonctionné pour faire justement ce tour le plus long. Ça se joue donc avec à la fois un prêtre et un mage. Il nous faut avoir un prophète Velen, avoir qu'on buff ce prophète Velen plusieurs fois avec le choix de Velen, qui donc donne dégâts des sorts plus 1. On utilise des manipulations sans visage pour copier justement ce prophète Velen surboosté. Qu'on multiplie ces manipulations sans visage avec des visions télépathiques pour pouvoir justement avoir plusieurs manipulations sans visage. Et à la fin, on récupère les projectiles d'Arcane qui, pour un seul projectile, donc le sort qui a été boosté et multiplié par les prophètes Velen, parce que les prophètes Velen, n'oublions pas, doublent les sorts mis en place. Les dégâts des sorts. Voilà. Et donc, à la fin, le projectile des Arcane fait environ 26 762 points de dégâts au lieu de 3. Sachant que. C'est 26 000 projectiles ou 26 000 points de dégâts? C'est 26 000 projectiles. Bah, c'est un projectile, c'est un point de dégâts. Un projectile, c'est un point de dégâts. Voilà, ah, donc là, 26 762 points de dégâts au lieu de 3. Et sachant qu'on va utiliser donc 9 sorts là, pour faire donc 9 projectiles pour pouvoir faire ça, donc on multiplie ça encore une fois, ça fait beaucoup, beaucoup. Ça fait en total de 240 768 projectiles balancés, donc ça fait quand même beaucoup. Donc on multiplie ces projectiles d'arcane, je l'ai oublié de préciser, avec un chroniqueur chaud, toujours le petit chroniqueur chaud, et on survit grâce évidemment au bloc de glace, parce que sinon le pauvre mage ou prêtre, je ne sais plus, je crois que c'est le prêtre, donc il doit bien survivre un moment, donc il récupère un bloc de glace. Alors, ce qu'il faut dire par rapport à ça, c'est qu'il y a eu vraiment un phénomène qui s'est mis en place. Ce qu'il faut dire d'abord, c'est qu'ils l'ont fait, ils ont décidé de faire ça en live. Voilà, ouais. Tout à fait, ils ont fait ça en live. Et c'est ça qui a permis de prendre un peu de l'ampleur à ce phénomène. Voilà. Entre le 22 et le 25 mars. Et alors, à votre avis, combien de temps ça a duré? Entre le 22 et le 25 mars, ça veut dire que ça a duré plusieurs jours? Devinez un peu combien de temps ça a. Moi, je suis passé voir le live, donc je sais, c'était écrit, c'était annoncé. Vous avez fait les calculs avant. Je le sais aussi. Mais oui, non, j'avouerais. Si je ne savais pas, j'aurais pas deviné, je pense. c'est vraiment beaucoup. Le stream a duré 45 heures et 18 minutes. Donc, c'est quand même. Enfin, le tour a duré 45 heures et 18 minutes. Donc, c'est vraiment énorme. Après, je pense que personne peut attester de ça, parce que à mon avis, les gens sont restés moins d'une heure. Donc il a très bien pu enregistrer une séquence d'une heure. Figure-toi quand même qu'on a quelques chiffres qui ont été mis, donc sur Hearthstone Deck, on peut retrouver ces chiffres. Il y a eu quand même à peu près 5000 personnes en moyenne qui ont visionné le live, donc quand même, c'est quand même fort, avec un pic à un moment de 8048 personnes qui étaient présentes, et ce qui fait un total de 1,4 million de visionnages sur ce live, juste pour voir des projectiles s'envoyer. 8000 visiteurs, c'est pas incroyable, mais c'est vrai que pour voir des projectiles partir dans la tête pendant 48 heures, c'est sûr que... C'était pas le live le plus passionnant. Non. Voir. Clairement. D'ailleurs, il y a Trollden qui a fait un petit troll justement avec... En mettant dans son dernier Funny Play ce passage où il s'ennuie un peu à force de regarder à savoir qu'il faisait des AFK la nuit, quoi. Il n'a pas été en 48 heures. Heureusement. Heureusement. Oh, mais bon, des lives de 24 heures, ça se fait. Là, ça aurait pu être possible, mais chaud. Ce qu'on peut dire aussi qu'il était assez drôle, c'est qu'il y avait une sorte de compétition à travers ce live pour savoir où le dernier projectile va atterrir. Est-ce que ce sera sur la droite, est-ce que ce sera sur la gauche, ou est-ce que ce sera au milieu? Et à votre avis, qui a gagné? Est-ce que c'est la droite, la gauche ou le mid? C'était pas la gauche? Si, c'est la gauche. Donc il y avait une team mid, une team right, une team left, et c'est la team left qui a gagné. Il doit y avoir des hashtags partout sur Twitter, etc. Voilà, on peut imaginer. Donc c'est quelque chose d'amusant qui ne sert complètement à rien, mais qui a mérite d'être annoncé. Donc sur Hearthstone, il est possible de faire un tour qui dure 45 heures, et nous espérons que vous n'allez jamais tomber là-dessus. Moi, il y a une question qui m'intrigue, cela dit, c'est que on parle énormément du tour le plus long, mais de fait, est-ce que c'est la partie la plus longue? Parce que tout le monde insiste beaucoup sur le fait que c'est le tour le plus long d'Hearthstone, Mais est-ce qu'il y a eu une partie d'Hearthstone qui a duré plus de 48, plus de 45 heures je... C'est une bonne question, mais je pense que c'est... Moi, je pense que c'est la partie la plus longue aussi. Déjà, le processus pour le mettre en place est extrêmement long. Ouais, mais ils auraient pu limite faire ça deux fois de suite. Hein, et faire une partie qui durait 50... Enfin, pas 50 heures, 90 heures. 90. Ouais, ouais, ouais. Donc voilà, c'est une news assez amusante et qui mérite d'être annoncée aujourd'hui. Surtout que ça a fait... Il y a pas mal de monde qui en a parlé quand même. Hein. Ouais, oui, ouais, on en parlait sur pas mal de sites, pas mal de comptes ouais. Twitter, tout ça. Et nous en parlons maintenant aujourd'hui avec le portail instable. On va maintenant vous parler d'une interview qui a été réalisée dans le cadre d'une rencontre entre les joueurs et certains développeurs du jeu. Donc c'était organisé en courant du mois de mars entre différentes personnes assez importantes de la communauté, donc des streamers ou des personnes qui tiennent un site. On peut noter par exemple la présence de Creep, dont on a parlé la dernière fois, de Lothar, de Eskelax par exemple, et de Zekaria notamment. Et donc Zekaria a posé certaines questions à ses développeurs, à ses designers du jeu, sur différents aspects, sur Blackrock dans un premier temps, et sur, mais aussi ouais. Sur le développement de la suite du jeu, les features qu'ils vont ou pas ajouter. Les potentielles prochaines extensions, voilà. Etc. Et donc on va vous parler un peu de tout ça, des réponses qu'ils ont apportées, et du coup, de comment ils envisagent le futur d'Hearthstone. Voilà, à noter que l'interview sera... Enfin, vous pouvez retrouver l'interview dans son intégralité sur Hearthstone Deck, directement, hein, c'est là que nous, on se sert surtout. Donc, on mettra le lien, de toute façon. N'hésitez pas à y jeter un œil pour voir, ouais. Mieux comprendre, et si vous êtes intéressé par le jeu. Ouais. Nous, on va essayer de résumer un peu, on va parler des questions et des réponses qui nous ont intéressés, mais on va pas citer absolument tout ce qui a été dit dans cette interview. Alors la première question qu'on a relevée, c'est liée aux récompenses de ces donjons, de cette aventure. Voilà. Et notamment, il posait la question de qu'est-ce qu'on aurait comme nouvelle récompense. Est-ce que par exemple, on pourrait avoir des cartes dorées, donc comme les cartes de Naxxramas. Il y avait beaucoup on de joueurs. On avait déjà parlé, je crois, de ça la dernière fois. On avait parlé la dernière fois, mais il y avait beaucoup de joueurs qui auraient aimé que le mode aventure de Naxxramas donne les cartes en mode doré, et c'était un refus catégorique. Et est-ce que leur réponse a changé pour cette extension? Non. C'est voilà. Toujours un non. Et ouais, non, ils veulent toujours pas. Après, c'est dommage. C'est dommage, en même temps, je les comprends un peu, parce que c'est vrai que les cartes dorées, c'est quand même plus rare que ça. Je veux dire, s'il suffisait de battre le mode héroïque pour les avoir... C'est pas si facile, faut avoir de la patience quand même. Faut avoir de la patience, mais on les verrait vraiment beaucoup, je pense. Les gens se seraient vraiment donné la peine de forcer le mode héroïque, et on les verrait vraiment beaucoup. Moi, je l'ai réussi, le mode héroïque, donc tout le monde peut le réussir. c'est sûr. Il y a eu tellement de guides, il y a eu tellement de guides, tellement de decks, etc., qu'au final, le mode aventure, c'est vraiment pas infaisable. Il faut y passer du temps, il faut de la chance, etc., mais c'est vraiment pas infaisable. On enchaîne ? On enchaîne. Ah, là, une question suivante qui m'avait quand même fait plaisir, parce que c'était quelque chose qu'on avait essayé de mettre en place également dans le dernier portail instable, concernant est-ce qu'on aurait des interactions avec le plateau de jeu pour pouvoir, justement, si on, par exemple, on s'utilisait le marteau de Ragnaros, est-ce qu'on pourrait avoir Ragnaros qui apparaît, comme je l'avais suggéré Est-ce que la réponse est différente de la question précédente? Un peu. Disons qu'en fait, eux, ils aimeraient beaucoup. Ils disent qu'ils avaient fait un peu dans le même sens avec Kel'Thuzad qui avait appuyé sur le bouton fin de tour avant que ce soit vraiment la fin de notre tour. C'est quelque chose. Cool. Et c'est vrai qu'on était tous surpris. Moi, j'avais pas trouvé ça cool, pour moi. J'avais été rêvé. J'avais bien prévu mon tour et j'étais complètement... On a tous pleuré vrai. Sur le coup et on a rigolé à la fin de la partie. Voilà, c'est quelque chose d'assez beau et on aurait espéré. Apparemment, dans cette aventure, il n'y en a pas, mais dans le futur, ils envisagent. Donc, Des petites interactions comme ça. Bon, c'est pas ça qui va changer grand chose, mais c'est des petits délires, etc. Et d'ailleurs, on peut, justement, pour parler de Naxxramas, on peut enchaîner tout de suite avec l'autre question. Justement, est-ce que cette aventure du Mont Roche Noir sera différente par rapport au niveau des accès ou des ailes pour la... Et il pose aussi la question de est-ce qu'ils ont prévu de faciliter l'accès à la précédente aventure. Donc est-ce qu'avec l'arrivée de Black Rock Mountain, on peut s'attendre à un accès plus facile à Naxxramas? Et toujours non. Non, non, et ils ont mis une réponse qu'on comprend pas en fait. Et si vous comprenez, dites-le nous parce que. Alors, je cite, vous savez, il y a déjà tellement de façons d'acheter les ailes des aventures qu'au final, ça va devenir super compliqué et incompréhensible. Moi, alors, je sens la mauvaise excuse. Hein, ouais, on s'est posé, on a réfléchi sur différents moyens, et à part en pièces d'or ou en argent réel, on n'a pas trouvé de moyens. Après, non, mais si, c'est compliqué dans le sens où on peut précommander, on peut acheter tous les paquets, mais sans passer par la précommande, on peut acheter des paquets en pièces d'or, puis en argent réel, mais enfin, c'est une excuse, enfin, c'est oui, pas ça qui rend le truc compliqué. Pour les aventures, il n'y a quand même que deux moyens. Ouais, oui, puis, bah, je veux dire, même une précommande, ça reste acheter avec de l'argent. Bah, oui, bien sûr. Et dans tous les cas, enfin, Là, pour moi, la question, c'est peut-être pas comme ça qu'ils l'ont formulé, mais pour moi, la question qui m'intéressait vraiment, c'est est-ce que vous comptez réduire le prix de l'aventure? Et la réponse est non. Et là, la réponse est non. Et c'est vraiment dommage parce que bah, oui. Voilà, bon, ça devient un peu nécessaire d'avoir les cartes de Naxxramas, et plus il va y avoir d'aventures, et plus il va y avoir des moyens. Après, oui, de... ce sera une nécessité au bout d'un moment, donc ils seront bien obligés de le faire. Ouais, j'espère. Sinon, ils vont complètement décourager les nouveaux joueurs, et c'est pas ce qu'ils cherchent. Ensuite, ils ont parlé des easter eggs, à savoir les interactions entre les cartes et certains boss. Je crois qu'il y en avait sur l'extension précédente. Il y avait notamment égalité, quand tu essayes d'utiliser égalité sur les quatre cavaliers. Je sais plus s'il y avait un texte, mais en gros, on pouvait pas. Il y a certaines cartes comme ça qui étaient bloquées et où Kel'Thuzad venait t'engueuler parce que, soi-disant, que c'était de la triche. Voilà, Alexstrasza, bien sûr. Et Kel'Thuzad dans lui-même, qui, quand tu réagissais avec ton personnage, quand tu te moquais de lui, il te répondait de manière provocatrice, j'ai envie de dire. Mmh, ouais, mais là, ils accentuent surtout sur les cartes. Est-ce qu'il y aura une interaction? Genre, quand tu poses une certaine carte, le boss en face réagit. Notamment, l'Enragé du Magma et Leroy Jenkins, qui sont tous les deux des personnages liés à Black Rock Mountain. Et donc, en gros, leur réponse, c'est que actuellement, ils en ont pas tant que ça. Ils ont dit qu'ils en avaient pas mis la masse, mais ils en ont mis et c'est le genre de délire qu'ils adorent. Donc de toute façon, il y en aura. C'est clair et net que des trucs genre, comme on avait dit, Ragnaros qui est un boss et qui est aussi une carte jouable, il y aura forcément quelque chose qui va se passer si on joue Ragnaros dans Black Rock Mountain. Là même, si on joue l'Enragé du Magma ou Leroy, on peut être quasiment sûr, ou la bête aussi, on peut être quasiment sûr qu'il va se passer quelque chose, une petite phrase, un petit taunt, un petit quelque chose. Ensuite, il y a une des questions par rapport justement d'une certaine inquiétude, une inquiétude, non, pas du tout, concernant est-ce qu'il y aurait de nouvelles races qui seront introduites dans Black Rock Mountain? Et on pense Les mécas de. Bah, comme les mécas où tu as instauré avec Goblin et Gnome, est-ce que pour Black Rock Mountain on aurait peut-être une race de nains, une race d'élémentaires, des choses comme ça? La réponse est non. Bah, encore une fois. Si, il y a les dragons, enfin c'est pas une nouvelle race. C'est la synergie qui apparaît quoi. La synergie apparaît enfin. Ils expliquent par contre que les élémentaires à la base ils étaient déjà existants dans les premières versions du jeu, mais qu'ils les ont enlevés parce que justement il n'y avait pas de synergie. Les élémentaires en tant que race. En tant que race. Et aujourd'hui ce n'est pas à l'ordre du jour en tout cas. Non. En fait, ils le feront s'ils ont. Ouais. Un truc intéressant, par exemple, s'ils mettent des nagas et qu'ils en mettent beaucoup, ils feront peut-être une race s'ils ont des interactions entre ça. Après, je pense que ce soit juste une race pour dire de mettre une race. Quoi. Je trouve ça dommage qu'ils veulent absolument intégrer un concept de synergie avec vraiment des cartes qui se boostent entre elles et plein de trucs et tout. Enfin, moi, je pense juste une seule carte qui permettrait, par exemple, de donner un bonus aux nagas ou aux élémentaires, etc. Juste une seule carte, ça permettrait pas de faire un deck entièrement basé dessus, mais ça pourrait donner des possibilités en plus. Je trouve ça dommage qu'ils le fassent pas, quoi. Qu'ils fassent vraiment ce genre de trucs vraiment que quand il y a plein de choses. Moi, regarde, dans Goblin Gnome, il y avait quand même quelques cartes qui synergisaient avec les Herald d'Agonie en plus des decks mecha. C'est ce qui permet de se rapprocher pour eux, permet pour eux de se rapprocher plutôt de Magic par exemple, où il y a des sets de cartes, où vraiment dans les sets, les cartes interagissent entre elles. C'est vrai que sinon il n'y a pas ce regroupement de cartes. Ouais, non, mais c'est clair. Mais moi je pense qu'il y aura peut-être moyen d'ajouter juste une carte qui booste les autres, enfin qui permette pas vraiment de faire des gros combos, mais qui juste disent est-ce que je mettrais plutôt cette carte là ou cette carte là? Ah bah peut-être juste celle là parce qu'elle combotte avec une seule autre carte. Et dans ce cas là il faudrait que ce soit. Ça combotte de manière assez large, parce que sinon ça vaut vraiment pas le coup de la jouer. Ouais, oui, c'est sûr. Ouais, bon, c'est juste des petits bonus qui me feraient plaisir. Mais bon. Ensuite, vas-y, je t'en prie. Oui, on va enchaîner par rapport à la question que j'avais déjà précédée un petit peu plus tôt. Savoir si, est-ce que la structure de Black Rock Mountain sera similaire à Naxxramas ou est-ce qu'il y aura quelque chose de différent? Et la réponse, c'est sera exactement, enfin, ce sera exactement pareil. Ce sera toujours dans le même délire avec des ailes, des boss, on gagne des cartes, on passe à l'aile suivante, boss, cartes, etc. Ça. Il n'y aura pas de nouveau système qui est proposé pour le moment. Par contre, ce qui change, c'est la façon de raconter De raconter l'histoire. l'histoire. Oui. Donc, c'est moins linéaire que dans Naxxramas où on incarnait en fait l'équipe qui venait affronter le boss. Là, c'est Et plus, on est vraiment intégré à l'histoire dans le dans le conflit. cadre de la rivalité entre Ragnaros et Nefarian. Ouais, bah comme on l'avait dit la dernière fois dans la Oui, partie c'est lore, vrai on avait que fait c'est ce beaucoup qu'on avait de dit. suggestions là-dessus. Donc, c'est Ouais, plutôt bien. on avait ouais, c'est génial parce qu'on était on était parti dans un gros délire, on s'est dit ce serait génial si s'il y avait des interactions entre les deux boss, s'il y avait une histoire et tout. Et là on tombe sur l'interview qui nous dit ah et au fait, il y aura une interaction entre les deux boss et Après, on était l'histoire quand et même tout. parti un peu plus loin Oui, oui. Choisir. Oui, non, en non, bien sûr. choisissant un camp, Mais etc. Ouais, donc si vous avez envie d'en savoir plus sur cette histoire, je vous invite à aller réécouter le lore de la partie précédente pour comprendre Que lui, c'était gratuite. Exactement. Non, mais les enjeux entre Ragnaros et Nefarian et pourquoi ils ont posé cette question-là et pourquoi ils ont donné cette réponse-là. Donc oui, clairement, il y aura des l'histoire entre guillemets sera plus complexe et plus complète que dans Naxxramas et plus interactive. Ensuite, il parle de la difficulté et du niveau des joueurs Je qui crois qu'on estime. avait parlé aussi, il me semble, dans le dernier On épisode. avait sûrement Un parlé un petit petit peu. peu, mais en gros, ils sont un peu gênés parce qu'ils veulent vraiment pas rendre le mode normal trop dur, parce que ils veulent absolument que les gens qui ont acheté l'aile aient accès à toutes les cartes, ce qui est complètement normal, bien sûr. Mais du coup, enfin, c'est un peu frustrant. Enfin, je sais pas si vous avez ressenti ça aussi, mais quand Bah, je jouais disons à qu'en Naxxramas. fait, disons que, en fait, ce qu'ils expliquent, c'est que vraiment, quand ils veulent que quand les gens achètent l'extension, ils aient les cartes en mode normal, avec un peu de difficulté, mais sans plus que ça, pour Ouais, dire que même les plus qui bas soit joueurs, capable de les choper, quoi. voilà, même que même les joueurs les plus mauvais, Casual. entre guillemets, voilà, casual, on va dire. C'est même pas juste ça, c'est les joueurs qui ont moins de cartes, quoi. C'est même pas une Voilà, question d'être voilà. bon ou mauvais, c'est si t'as vraiment que les cartes Peuvent, de voilà. base, Peuvent obtenir ces cartes-là. Mais par contre, ils expliquent bien qu'en mode héroïque, en revanche, là, c'est beaucoup plus complexe. Et là, ils s'en foutent un petit peu du joueur noob, entre guillemets. Dans le sens où Tellement bien résumé. Non, mais en gros, ils disent que clairement, pour battre ces boss-là en mode héroïque, il faudra un type de deck particulier pour les battre. Et là, et surtout certaines cartes, probablement. Voilà. Après, c'est quand même un petit peu dommage parce que quand t'arrivais contre les boss en mode normal, il n'y avait vraiment pas trop de challenge. Des fois, tu devais changer de deck, mais voilà, c'était tout. Enfin, moi, je me souviens pas d'un boss qui m'ait vraiment demandé plus de 2 essais, Ouais, c'est plus vrai de que trois souvent essais, j'utilisais sans essayer de. Ouais, voilà, le même sans deck que essayer un j'utilisais deck vraiment pour le orienté ladder. pour, quoi. C'est un petit peu dommage. Moi, j'aurais bien aimé qu'ils augmentent un petit peu la difficulté. Donc, a priori, il n'y aura pas de gros changement de difficulté entre Naxxramas C'est vrai que et du coup, pour le Black mode Rock Mountain. héroïque, tu te retrouves un peu. La difficulté, une difficulté beaucoup plus grande et une récompense beaucoup plus faible, donc c'est un peu frustrant. Oui, c'est frustrant. Ouais. D'où la question qu'ils avaient posée plus tôt sur les récompenses. Donc ensuite. Ils ont aussi abordé le sujet de l'aléatoire. Quand ils ont annoncé Goblins et Gnomes et qu'ils ont annoncé les premières cartes, c'est vrai que c'était une réaction qui est revenue souvent, c'est que c'était beaucoup d'aléatoire et que donc ça risquait de mettre en péril, mais disons de rendre moins intéressant le côté compétitif d'Hearthstone. Et donc ils ont demandé Après, si ils comptaient encore jouer partir dans beaucoup cette sur ce optique-là, côté ouais. aléatoire. Et donc leur réponse a été que le côté aléatoire c'était vraiment dans le thème Goblins et Gnomes, parce que les gobelins et les gnomes c'est des inventions qui sont un peu C'est foireuses quoi. l'ingénierie, ouais, pour ceux qui ont joué à WoW, ils se souviendront de tous les machines qui avaient une chance sur deux d'exploser ou une chance sur deux d'avoir Le un effet débriefilateur, différent. hein. Oui, Il ne qui marchait n'a jamais. jamais marché. On s'en souvient. Et On donc s'en souvient très bien. c'est sûr que ce côté aléatoire ils veulent le garder parce que ça rend le jeu un peu fun. Mais c'était vraiment exceptionnel que ça rentrait vraiment dans le background de l'extension, et donc on n'aura pas autant d'aléatoires d'un coup pour la Non, suite. mais c'est sûr que là c'était vraiment une extension qui était orientée dessus. C'était normal d'en mettre la blinde, mais ouais. Heureusement qu'ils n'ont pas continué dans cette voie, ça aurait été vraiment trop n'importe quoi, trop aléatoire. Oui. Après, ça a fait des combos très rigolos avec les portails, etc. Ça a donné des trucs très sympas, mais ouais, bon. Le random, c'est fun, mais avec limitation, quoi. Avec modération, pardon. Voilà. On peut enchaîner donc avec la deuxième partie de l'interview qui concerne cette fois-ci plus Hearthstone en général et son avenir. Et une des premières questions qui a été posée, et beaucoup de monde peuvent se poser également, c'est est-ce qu'il y aura des sorts légendaires ou des armes légendaires? Et alors ils ont répondu que pour les armes légendaires c'était un peu plus compliqué et on va revenir un peu plus tard à travers une autre question. Mais concernant les sorts, ce n'est pas impossible qu'ils en font, mais pour l'instant c'est pas encore prévu. Mais qu'ils en fassent, ils peuvent en avoir. Ils en fassent, oui, pardon. Donc voilà, c'est pas prévu, mais à l'avenir, pourquoi pas. Et ensuite, ils ont demandé est-ce qu'il y aurait des armes pour toutes les classes. Personnellement, je trouve cette question complètement débile. Je vois pas l'intérêt de poser la question. Enfin, pourquoi leur réponse, poser. Justement, leur réponse pour moi, elle est évidente, c'est que ils ont ajouté le bligotron pour donner cette possibilité de donner des armes un peu à tout le monde. Mais les armes font quand même partie du gameplay des classes, et donc donner des armes à toutes les classes, oui, ça permet. Mais dans WoW, tu joues avec n'importe quelle classe, t'as une arme. Oui, même si oui, c'est une sûr, arme mais là, moins d'attaque, disons, où tu vas pas attaquer directement avec, tu préfères utiliser l'effet. C'est vrai que tu pourrais avoir ce même concept-là. Mais en termes de gameplay, oui, des armes avec des effets, pourquoi pas. Mais en termes de gameplay, on est pas dans. Ça serait un peu les artefacts dans Magic. Ouais, mais même dans Magic, toutes les classes jouaient pas avec des artefacts. Oui. Il y en avait une qui était spécialisée dedans et voilà. On peut penser au niveau des armes, par exemple l'épée de justice du paladin, qui en général on tape pas avec, mais on utilise son effet, qui donne plus en plus à ses créatures. Ouais, finalement, ce genre de choses, on peut l'avoir dans n'importe quelle classe. Et c'est un peu ce que t'as dans World of Warcraft. Mais après, si toutes les classes avaient ce genre d'effet, les cartes comme Harrison John et le Limon perdraient tout leur intérêt, entre guillemets. Non pas qu'elles ne seraient plus intéressantes, au contraire, elles deviendraient trop intéressantes, elles perdraient tout leur côté situationnel, etc. Et je pense que Blizzard ne veut clairement pas ça, quoi. C'est vrai. Blizzard veut que le concept des armes, ça reste assez particulier. Est-ce que je vais prendre le risque ? Une arme un peu particulière qui a une durabilité de zéro. Oui, c'est sûr, mais dans ce cas-là, tu pourrais faire la même chose avec un sort. Il y a moyen de contourner un peu ce problème. Moi, je la trouve pas très, très pertinente, cette question. Et donc, de fait, ils ont pas prévu dans l'immédiat d'ajouter de baguettes ou de bâtons ou de quoi que ce soit. Ensuite vient la question de la nature des decks. Ouais, la méta et la nature des decks, à savoir agressifs, etc. Ils demandent qu'est-ce que les développeurs pensent des decks super agressifs. Alors, ils le disent pas, mais je pense qu'on pense tous aux chasseurs quand ils disent les decks super agressifs. Le matchmaker, c'est plan. Ouais, le matchmaker, encore, je le trouve moins. C'est agressif quand même. Majmeka, il est agressif par sa présence sur le board. Le chasseur, c'est vraiment mettre des provoques et aller dans la tête, etc. Charge. Des charges. Même des sorts, etc. Un tech aggro avec des provoques, tu me l'as vraiment sort. C'est bizarre. Et donc, Blizzard a répondu que, en soi, ce genre de deck, ça faisait quand même partie du jeu, quoi. Apparemment, enfin, c'est compréhensible, ils comptent pas le supprimer parce que ça fait vraiment partie du jeu. Par contre, ce qu'ils ont dit, c'est que au début de Hearthstone, c'était plus les decks contrôle qui étaient à la mode. Alors que c'est vrai que depuis Naxxramas, moi, j'ai pas souvenir de voir vraiment une majorité de decks contrôle. C'est quand même beaucoup, une bonne partie de decks agressifs, quoi. Je me souviens pas avoir vu une période où il y avait vraiment plus de decks contrôle. Non, mais là, ils parlent beaucoup de l'alpha et de la bêta, à mon avis. Oui, c'était très tôt dans le jeu. Actuellement, c'est beaucoup plus des decks agressifs, donc. Mais a priori, il y aurait potentiellement les decks contrôle qui devraient revenir. De toute façon, les cartes qui sont mises en avant, c'est beaucoup. Blackrock Mountain, ça va être des decks de contrôle. Ce qui fait aussi l'agressivité des decks chasseurs, c'est la classe en elle-même, quoi. Le pouvoir héroïque, etc. Ouais, et c'est vrai que. Je crois qu'ils ont dit dans notre interview qu'ils n'avaient pas l'intention de changer son pouvoir héroïque. Non, c'était dedans, mais non. Ou de modifier. Par contre, peut-être qu'ils pourraient faire, c'est modifier certaines cartes comme l'ordre de tuer, voilà, pour la mettre un peu plus cher. C'est Tristan qui nous avait fait la remarque. Juste simplement le fait de, avec l'ordre de tuer, de pas pouvoir viser la tête. Oui, par exemple. Ce serait vraiment génial. Enfin, même quitte à lui mettre un dégât de plus ou un truc comme ça, pour moi, ce serait un très très bon équilibrage parce que ça ferait perdre au chasseur 10 points de dégâts dans la tête et 10 points de dégâts dans la tête plus les pouvoirs héroïques. Voilà, ils ont fait 20 points de dégâts faciles, il y aura plus que 10 points de dégâts à trouver à quelques créatures charges. On peut se méfier quand même parce que peut-être que les chasseurs retrouveront quand même un chemin parce qu'on avait dit avec le nerf du buzzard qui était quand même assez violent. On s'est dit, ça va peut-être mourir et il s'en est sorti quand même malgré tout. C'est toujours la classe. On trouve toujours le chemin. Plus frustrante. Oui, voilà. C'est... Ouais. Non. Mais oui, bon, après, comme ils l'ont dit, voilà, les decks super agressifs font partie du jeu. Il faut juste espérer qu'on puisse avoir un peu de moyens de les contrer parce que sinon, c'est vraiment trop frustrant. Ensuite vient la question des cartes basiques. Ils leur ont demandé est-ce qu'ils comptaient ajouter des cartes basiques. Alors les cartes basiques, j'imagine que c'est les cartes qu'on a de base, c'est les cartes qu'ils appellent du jeu de base, les cartes qui ne sont pas experts. Donc des cartes qu'on a de base dès qu'on commence le jeu, avant même d'ouvrir le premier paquet. On peut pas forcément ceci les cartes que tu débloques en passant au niveau 10 avec les différentes classes. C'est vrai, oui, celle-là aussi, oui. Et à quoi ils ont répondu qu'en gros ils comptaient pas en ajouter parce que ce serait déroutant pour les nouveaux joueurs. Là encore une fois c'est un peu, on comprend pas trop non plus comme par la question précédente. Si je peux comprendre, mais pour moi bon c'est quand même une excuse facile. C'est pour forcer les gens à vraiment dépenser plus, etc. Et c'est vrai que c'est de plus en plus dur pour les nouveaux joueurs de s'y mettre. Enfin, nous quand on a commencé on n'était pas du tout en retard quoi. On avait juste à débloquer, on a commencé à la bêta ouverte, hein, et... voilà. Ouais. Et voilà donc bon même ceux qui jouaient depuis beaucoup plus longtemps que nous ils avaient 400 paquets d'avance et donc voilà 400 paquets bon c'est énorme mais voilà on pouvait les rattraper. Maintenant il y a les paquets classiques, les paquets gnomes contre gobelins, les aventures, etc. Et du coup enfin il y a de plus en plus de cartes qui ne sont pas accessibles aux débutants et ça peut être frustrant. Moi, je trouve ça dommage. Enfin, disons que le fait qu'ils annoncent ça et qu'en plus, ils comptent pas du tout réduire les prix de quoi que ce soit, je trouve ça vraiment dommage. Pour l'instant, ils disent qu'ils s'en occupent pas encore pour l'instant parce que pour l'instant, ils sont à leur troisième extension. Mais disons que le problème va vraiment se poser quand ils vont arriver justement à beaucoup plus d'extensions. Là où ils vont vraiment y réfléchir pour trouver des solutions. Ne serait-ce que donner plus d'or aux joueurs qui débutent dans leurs 10 premiers levels, leur donner beaucoup plus d'or pour qu'ils puissent avancer plus vite, c'est déjà pas mal. Mais bon. Question suivante qui est assez rigolote et qui nous intéresse beaucoup concernant les buffs et les nerfs de certaines cartes. Donc un nerf, les buffs surtout. Ouais, les buffs aussi, mais aussi les nerfs qu'ils en parlent un peu. On pense tous à une certaine carte dans notre tête, on va pas la citer. ce à quoi ils ont répondu qu'il y a des cartes, ils vont pas faire de nerfs actuellement, ils vont pas non plus buff les premières cartes parce qu'ils veulent justement laisser les premières cartes telles qu'elles sont. Ils sont plus envieux de rajouter au contraire en fait des nouvelles cartes à chaque fois. Et je laisse un peu finalement la méta changer. Sachant que certaines cartes, ils sont tout à fait conscients qu'elles sont totalement inutiles. L'orage du magma par exemple, qui est une 5-1, qui sont des cartes vraiment ultra mauvaises. Mais comme ils disent, c'est fait exprès pour à la fois aider les nouveaux joueurs quand ils vont commencer le jeu à se rendre compte qu'en fait ces cartes-là elles sont très mauvaises au fur et à mesure de leur expérience. Mais également dans notre idée, c'est aussi concernant l'arène. Quand on doit faire les choix entre 3 cartes, qu'on n'ait pas que des 3 bonnes cartes, mais aussi des cartes mauvaises. On l'a dit plutôt avec les cartes. Comme Nefarian ou Portée Instable. Ouais, également. Mais après, moi, je suis assez content de leur répondre. J'aime bien l'idée que quand on débute, en fait, il y a des cartes qui nous paraissent complètement pétées et qui, c'est pas le cas du tout, en fait. Bah, oui. Et on met du temps à s'en rendre compte. Et je pense que c'est vraiment dans ce style-là. Et moi, je suis assez d'accord avec eux. Je pense vraiment que ça enrichit pas mal le jeu. Par contre, je suis désolé, tu voulais pas la citer, mais il parlait de Dr. Boom. Et c'est vrai que. Je suis désolé, je sais qu'il ne faut pas prononcer ce nom ici, mais. Donc, celui dont on ne doit pas prononcer le nom, c'est une 7-7 pour 7. Et c'est vrai qu'à côté de ça, il y a le Golem de guerre, qui est une 7-7 pour 7 aussi, sauf qu'il n'a pas l'effet du Dr. Boom, à savoir. Enfin, de celui dont on ne doit pas prononcer le nom. À savoir. Deux bombes. Ça va être super relou, le running gag super relou. À savoir d'invoquer, deux bombes. Et du coup, c'est vrai que moi, j'avais pas trop conscience de ça. Jusque-là, j'avais toujours l'impression que les cartes étaient plus ou moins équilibrées, que dès qu'il y avait un avantage quelque part, il y avait un inconvénient ailleurs sur une carte. Et en fait, non, c'est pas du tout le cas parce que le Golem de guerre et Dr. Boom ont exactement le même prix, exactement le même coût, sauf que Dr. Boom a un effet super puissant en plus, quoi. Donc, je trouve ça un peu dommage. Je suis un peu déçu que voilà, simplement le fait que ce soit une légendaire, elle a deux faits dans les chiffres, un bien meilleur. Ratio qualité-prix. Ce côté frustrant est surtout très énervant. C'est en arène, par exemple, où le Golem de guerre reste une carte assez correcte à prendre. Moi, je la conseillerais pas quand même. C'est un autre débat, mais. Disons que si t'as besoin un peu de l'aide, une Golem de guerre, ça peut être intéressant. Et si l'adversaire a eu par chance une légendaire aussi, et qu'il sort le Dr. Boom, t'as reçu ton Golem, tu fais vraiment la tronche, là, par contre. Ouais, parce que, clairement, si au tour 7, toi, tu sors un Golem, et que lui, au même tour, il sort le Dr. Boom, c'est là qu'on voit le déséquilibre. Ouais, clairement. Je trouve ça un peu dommage. Il parle ensuite du rythme du contenu. Ça, on en avait bien sûr parlé la dernière fois. C'est pas vraiment le rythme, c'est plus... S'ils ont prévu de rester sur le même modèle aventure extension, finalement oui, ils disent qu'il y a de ça aussi. Ils peuvent pas l'affirmer tout de suite, ils savent pas en fait ce qu'ils vont faire pour la suite. À mon avis, ils savent déjà. Ils savent, je pense qu'ils sont déjà en train de préparer la prochaine extension. Oui, voilà, ils veulent pas le dire. Ils savent pas ce qu'il y aura dans 3 extensions, bien sûr, mais la prochaine, ils sont au courant. Après, c'est la question, c'est est-ce qu'on pourrait avoir un mode tournoi en jeu? Parce qu'effectivement, Hearthstone devient un jeu qui est de plus en plus compétitif, qui a de plus en plus de tournois qui est fait. Et c'est vrai qu'on pouvait se poser la question, est-ce qu'un mode tournoi en game, ça pourrait pas aider justement à plus de personnes, dont nous par exemple, hein, à faire des mini-tournois? Et là, la réponse est qu'actuellement, ils sont intéressés, ils y réfléchissent beaucoup. Le truc, c'est qu'en fait, ils essaient de réfléchir à un moyen pour faire en sorte de garder le fun du jeu. Dans l'esprit, en fait, où Hearthstone, tu joues une partie, tu peux relancer une partie derrière, enfin, ça s'enchaîne assez rapidement. Et ils ont peur qu'en mettant un mode tournoi, bah, qu'un des joueurs doivent attendre plusieurs tours, que, bah, que c'est leur tour à un moment et qu'ils ne font rien pendant ce temps. Donc, ils essaient de réfléchir à y répondre à ce besoin. Ils savent pas trop encore quoi faire, mais en tout cas, le mode tournoi, ils y réfléchissent, même s'ils veulent pas l'annoncer officiellement. C'était, mais c'est principalement, c'est pas une de leurs priorités. Donc, ils, voilà. ils y travaillent, mais c'est pas dans l'immédiat ce qu'ils font. Mais ça a de grandes chances d'arriver finalement. Moi, je trouve encore une fois que c'est un peu une mauvaise excuse. Ils parlent du tournoi comme un mode de jeu vraiment à part entière, etc. Mais pour moi, voilà, ce qu'il faudrait, c'est un mode tournoi, ne serait-ce qu'entre amis. Enfin là, ils parlent. J'ai l'impression limite qu'ils voudraient intégrer le mode tournoi comme les parties classiques. Comme les arènes. Pour moi, pour moi, c'est pas du tout ce que la communauté veut. Ce que la communauté veut, c'est vraiment de pouvoir organiser des tournois entre amis. Limite qu'ils peuvent pouvoir donner des récompenses, mais voilà, pas. Je sais pas, mais pour moi ils évitent la question et bon, je suis pas tout à fait satisfait de leur réponse, quoi. C'est un peu une excuse, leur réponse. Ils ont peut-être mal compris le mode tournoi. Ils ont peut-être aussi juste mal compris, mais bon, moi je pense que ça pourrait vraiment être un ajout. Et bon, le fait de devoir attendre à chaque partie, ça dépend pas de la façon dont ils préparent leur truc, ça dépend juste de l'organisation du tournoi en lui-même, quoi. Et ensuite, il parle des récompenses, donc notamment les dots de cartes et les héros dorés. Est-ce qu'il compte en ajouter plus, etc. A priori, pour l'instant, pas trop. Hein. Non. Il me semble que. Non, bah, disons qu'en fait, il y a surtout un gros déséquilibre par rapport à l'arène. Parce que l'arène, justement, on fait un mode de jeu, on pourrait avoir quand même pas mal de grosses récompenses, surtout si on a fait une bonne partie. Là où en classé, au final, à part avoir le dos de cartes une fois que t'as atteint le rang 20, ce qui est assez facile, faut être honnête, et le rang légende, t'as atteint le rang légende, t'as le dos de cartes la première fois et après c'est fini. Donc c'est vrai qu'entre l'arène et le mode de jeu en partie normale et classé, t'as pas grand chose. C'est normal qu'il y ait ce déséquilibre, hein, parce que l'arène tu la payes et tu payes pas pour jouer des parties classées. Oui. Ouais, c'est sûr, mais bon, du coup, concrètement, ce qui se passe, c'est qu'à haut niveau, dès que tous les streamers, ils font quasiment que des enfin, je dis quasiment que, c'est non, pas non, ça vrai, dépend, mais il y en a beaucoup qui font vraiment beaucoup de classés. Ouais. Après, ils font une arène de temps en temps, mais au final, ce qu'il y a, c'est qu'à haut niveau, tu n'as aucun intérêt à faire des parties classées, dans le sens où ça te donne pas d'or, ça te donne pas de dès que t'as atteint le rang 20, t'as débloqué à haut niveau, non, à très haut niveau, t'as des intérêts, parce que ça compte pour le classement Blizzard, ce genre de choses. Donc c'est plus l'esprit compétition, et c'est vrai que tout le monde ne cherche pas forcément la compétition dans le jeu. Et Même moi je la cherche pas, mais je trouve ça un peu dommage qu'il n'y ait pas après, de tout récompense. Si plus t'es mieux classé, et plus t'auras accès à des tournois, et ce genre de choses. Donc pour ceux qui veulent vraiment du compétitif pur et dur, quoi. Ça a un intérêt. Mais c'est vrai que pour la grande majorité des gens, ça n'en a pas. Mais ouais, c'est un peu dommage. Sur StarCraft, il y avait un système d'achievement, etc. Et on pourrait juste imaginer un truc comme ça. Genre, vous avez atteint au moins une fois tel rang, vous avez atteint le rang légende lors de 5 saisons. Ouais, voilà. Enfin, là, t'as atteint le rang légende une fois, bah voilà, t'as toutes les récompenses, quoi. Après, il suffit de faire tes deux parties tous les mois, enfin, tous les mois pour atteindre le rang 20. Et voilà, c'est un peu dommage qu'il n'y ait pas plus de récompenses que ça. Après, je peux comprendre que, comme il disait, ils veulent que tout le monde puisse avoir accès à ces récompenses assez facilement. Et donc. Voilà. Bon, après, il y a les héros dorés, mais ce serait bien d'avoir limite encore un palier en plus, quoi. Encore un palier à 500, au final, je pense qu'il est assez vite atteint par les joueurs vraiment pas tant que ça, pro. Il y a encore beaucoup qui ne l'ont pas de. Enfin, si, ils ont quelques héros dorés, mais pas tous, quoi. Mais les joueurs qui jouent pas beaucoup, quoi. Même les joueurs qui jouent moyennement, ils vont finir. Enfin, à force, ils vont finir par l'avoir. Ouais, voilà. Donc, ce serait bien d'avoir vraiment un palier encore plus haut. Limite, débloquer des héros alternatifs, ce genre de choses, ça pourrait être vraiment, vraiment chouette. Je crois qu'ils en avaient parlé à un moment. Et donc le dernier point qu'ils ont abordé, c'est l'intégration de statistiques et de replay en jeu. Et donc ce qu'ils ont dit concernant les statistiques, c'est qu'ils avaient peur de faire en sorte, ça nous a fait assez rire quand on a vu ça, faire en sorte que les joueurs mauvais se rendent compte qu'ils sont mauvais en ayant leurs statistiques. Donc, voilà. C'est vraiment écrit ça, hein. C'est pas en reformule, voilà. c'est vraiment écrit mot pour mot. Donc c'est pour ça déjà que nous, quand on a dû annoncer ça à Edouard, il a été un peu choqué. Alors, ils veulent pas l'écouter, Edouard, en fait. Voilà, c'est clairement ça. Ils se sont dit, bah non, mais il est sympa son podcast et tout. S'il se rend compte qu'il est vraiment mauvais, il va arrêter. Non, mais ouais, bon. Et pour les replays, c'est vraiment étonnant de leur part. Pour les replays, ce qu'ils disent, c'est que c'est avant tout, ben, c'était pas dans leur priorité déjà, et c'était un défi technique assez important. Et du coup, comme c'était pas dans leur priorité, peut-être que ça arrivera, mais c'est pas à l'ordre du jour. Pour moi, Voilà. c'est vraiment dommage parce qu'il y a tellement souvent des parties où il se passe un truc complètement improbable. Je dis, ah, pourquoi j'étais pas en train de record? Je veux montrer ça, je veux montrer ça. Ça aurait été l'occasion de vraiment. Les chaînes comme Trollen, etc., vraiment plus proliférer parce qu'actuellement, ils peuvent vraiment voir que les parties qui ont été filmées. Mais là, ça permettrait aussi d'avoir tous les joueurs qui en Et font une je me partie demande combien il y a un peu de la incroyable. proportion de joueurs qui filment leurs parties en permanence. Ah, ça doit être peu Ouais, mais finalement, ils ont quand quand même. même assez souvent. Enfin, c'est pas toujours les Ouais, c'est mêmes. sûr. Enfin, c'est souvent les mêmes personnes qu'on voit dans les Non, Trollen, ce non. genre de choses, mais finalement, on voit aussi d'autres Non, mais bon. personnes. Non, mais bon, imagine que là, c'est une part assez petite des joueurs totaux qui filment leur partie. Imagine si du jour au lendemain, tout le monde pouvait, ce serait génial et il y en aurait 10 fois plus, quoi. Et on attaque cette rubrique lore, comme la dernière fois, où cette fois-ci on va s'attaquer à l'origine des dragons, qu'on appelle aussi les aspects. Les aspects, tiens donc. Ouais, je vais y venir, t'inquiète pas. Ils s'appellent les aspects. Du moins, 5 d'entre eux s'appellent les aspects. Alors bien sûr, ça fait référence à ce qui a été dit la fois dernière, notamment avec les titans et les dieux très anciens. Donc si vous ne l'avez pas entendu, je vous Orange conseille. noir, partie 2. Non, c'est pas lié au Morrochetwar, mais c'est très lié à l'histoire des titans et des dieux très anciens. Donc, pour résumer très rapidement, Azeroth à la base, c'était une planète où vivaient les dieux très anciens qui se faisaient la guerre, c'était des dieux maléfiques, du chaos, machin chose, tout le bordel. Il y a les titans qui arrivent, qui sont des partisans de l'ordre, de la bienveillance, etc., qui dégomment la tête des dieux très anciens, ils les enferment sous Azeroth. Et il crée le monde d'Azeroth tel qu'on le connaît avec les races vivantes, etc. Donc voilà. Ce qu'il y a, c'est qu'avant même l'arrivée des Titans, il y avait une race qui vivait sur Azeroth, qui était les Proto-Drakes. C'était les ancêtres des dragons. C'était pas encore des dragons. C'est une race primitive, bestiale, mais avec les mêmes caractéristiques physiques que les dragons. Et notamment Galakrond, qui était leur roi, leur père à tous, qui est apparemment l'une des entités les plus vieilles d'Azeroth, qui était un proto-drake géant dont l'appétit était infini. Donc c'est une espèce. Vas-y. Jusqu'à ça, ces dragons-là, ces proto-drakes, comme tu dis, sont des dragons plutôt gentils ou plutôt méchants en fait? C'est des bêtes, c'est des animaux sauvages, c'est Ouais, pas des d'accord. gentils, c'est pas des méchants, c'est juste des D'accord. créatures entre guillemets sauvages. Ouais, ils sont pas la même intelligence que les dragons, disons, Et qui ont créé le bah. monde. A priori, ils n'ont pas d'intelligence, Et il se mais nourrissent quoi justement. le mec s'il a un appétit infini et qu'il n'y a que des dragons? Il n'y a pas que des dragons, j'ai dit Ah, que c'était une des d'accord. races les plus vieilles. Mais justement, vous faites très bien la transition, son appétit était tellement infini qu'au bout d'un moment, le gibier venait à manquer, et donc il a commencé à manger les dragons, les proto-drakes du moins. Et donc forcément, les proto-drakes de se faire bouffer les uns après les autres, ça leur plaisait pas forcément trop trop. D'autant que Galakrond devenait de plus en plus gros, de plus en plus puissant, et de plus en plus affamé. Et Un peu donc. gargantua. Un Ouais, peu c'est ça. gargantua. Ça rappelle un peu aussi le dragon dans le film How to Train Your Dragon, un dragon en français. Magnifique Non, accent. mais non, mais si je dis dragon, Oh, ça fait How to Train Your Dragon. Si je dis dragon, on comprend pas forcément, mais ça fait un peu l'espèce de dragon géant dans Dragon le premier, qui bouffe tout, même les autres dragons. Bref, c'était une parenthèse qu'on peut refermer. Donc il y a 5 dragons, 5 proto-drakes du moins, de 5 couleurs différentes, qui finissent par s'unir Ranger. contre. Force rouge, ouais, force rouge, force bleue. C'est à peu près ça. Qui finissent par s'unir contre lui et qui arrivent, Megazord. par un effort incroyable, à le vaincre. Vous me laissez raconter! Ah, les sales gosses! Pardon. Et donc, les titans, voyant ces proto-drakes qui sont censés être des bêtes sauvages s'allier contre un ennemi commun, ils voient en eux le potentiel incroyable de grands protecteurs, et donc ils décident de leur léguer leur pouvoir pour en faire les gardiens d'Azeroth. Et c'est comme ça que les dragons qu'on connaît arrivent, enfin, apparaissent sur Azeroth. C'est une évolution des proto-drakes qui sont bénis par les titans. Alors, ce qu'il y a à savoir, c'est que les titans parmi les plus puissants, chacun a donné un de ses pouvoirs à un dragon. un des cinq dragons, un des cinq proto-drakes qui ont vaincu Galakrond, du moins. Alors, il y a d'abord Norganon, le tisseur de magie, qui a donné son pouvoir à... Là, c'est à vous. Maligos. Très bien. Donc, Norganon, le tisseur de magie, donne son pouvoir à Maligos, qui crée le vol bleu. Donc, c'est une espèce de dragon de couleur bleue. Elle appartient au vol draconique bleu, qu'on appelle aussi le vol bleu. Et donc, Maligos devient l'aspect de la magie. Éonar, la liseuse de vie, donne ses pouvoirs à... À Extraza. Oui, mais aussi à... Isera. Très bien, vous êtes chiant, trop jour de minuit, très bien. Donc, Alexstrasza du vol rouge devient l'aspect de la vie, et aussi la reine des dragons. Quant à Isera, sa jeune sœur, du vol vert, elle devient l'aspect de la nature, et aussi la gardienne du rêve d'émeraude. Pour ceux qui sont familiers de Warcraft, etc., le rêve d'émeraude, ça doit leur dire quelque chose, mais c'est quelque chose d'assez compliqué, je ne vais pas en parler tout de suite. Enfin, il y a Gasgoros, l'architecte et le forgeron du monde, qui donne ses pouvoirs à... Eldemort. Eldemort. Pas tout à fait, mais à Neltharion. Bien sûr. Neltharion du vol noir, qui deviendra l'aspect de la Terre. Et c'est l'aspect le plus fort, parce que c'est lui qui est le gardien des dieux très anciens, forcément. Et enfin, il y a Amantul, le haut-père, le dirigeant des titans, qui donne son pouvoir à... C'est le dernier dragon. Je sais plus ce qu'on a dit déjà. Il y a Nosdormu qui est pas... Voilà, c'est Nosdormu, du vol de bronze, et qui devient donc le gardien du temps, ce qui est quand même super badass. Hein. Gardien du temps. C'est clair. Lui permet d'être une carte qui ne sert à rien. Oui, bon, certes, c'est une carte qui ne sert à rien. Comme Alexstrasza, c'est la reine des dragons, c'est pas forcément la plus utile. Mais aussi, Alexstrasza, c'est l'un des dragons les plus utiles. Nosdormu, il sert à une seule chose, c'est contrer Life Coach en stream. Donc voilà, on a les cinq aspects qui ont chacun leur propre vol draconique, leur propre race. Donc voilà, tout ça, c'est très beau, bien sûr. Et on a les dragons qui sont des quasi-divinités qui règnent dans l'ordre, la paix, etc. Donc quand ils volent, ça fait des couleurs, ça fait des arcs-en-ciel, en fait. Non, ta gueule. Ah. Sauf que, bien sûr, forcément, il y en a un qui va petit à petit péter un câble, et c'est bien sûr Neltharion, qui est chargé de garder les dieux très anciens. Même raciste. Hein. Forcément. Donc on l'avait dit la fois dernière, les dieux très anciens, c'est toujours eux qui finissent par foutre la merde quelque part. Et bien sûr, là, ça n'a pas loupé. En fait, ils arrivent petit à petit à corrompre Neltharion et à lui faire, à le persuader que c'est lui le seul capable de protéger Azeroth. C'est lui le seul digne de régner sur Azeroth, sur les mortels comme sur les dragons. Donc ça prend des siècles, mais peu à peu, Neltharion, sans que les autres se rendent compte, commence à sombrer dans la folie. Et donc, à un moment, il y a une invasion de démons. Je ne vais pas m'attarder dessus, parce que des invasions de démons, il y en a eu la patate sur Azeroth. Mais donc, en gros, il y a une guerre qui éclate entre les dragons et les elfes de la nuit, et qui affronte donc les armées de démons qui arrivent. Pour protéger Azeroth, Neltharion demande de l'aide aux quatre autres aspects, et il leur demande de lui céder une partie de leur âme pour créer un artefact qu'on appellera l'âme du dragon, qui est un artefact surpuissant qui est capable de défendre Azeroth, etc. Donc forcément, les dragons au début ne sont pas trop d'accord, mais finissent par accepter, et Neltharion utilise cet artefact surpuissant pour repousser les démons. Sauf qu'une fois que c'est fait, et bah, d'un seul coup, il commence à péter un câble, il utilise l'artefact pour geler tout le monde, il dégomme plein d'elfes, il détruit la quasi-totalité du vol bleu qui essaye de le stopper, donc Maligos est en fait quasiment le dernier survivant du vol bleu, et il commence à faire un speech comme quoi les autres races mortelles... Ils sont tous morts. Ils sont pas morts, ils sont gelés. Il les a figés, je sais pas trop. T'entends encore quand t'es gelé ? C'est énergacélaire. C'est mégalomaniaque. En fait. Mais en gros, toujours est-il qu'il fait un gros discours pour dire que les choses vont changer sur Azeroth et que il va prendre. C'est maintenant. Exactement, il fait ça. Eldemort en mode. Président de la République. Vous êtes en train de faire des délires sur l'un des éléments les plus tragiques d'Azeroth, quoi. L'un des dieux les plus, enfin l'un des semi-dieux d'Azeroth est complètement corrompu. C'est la mort de Neltharion, le garde-terre, et la naissance d'Eldemort, l'aspect de la mort. C'est un doux surnom qu'on lui a prêté, qui est assez assez révélateur de ce qui va se passer. Donc victime de la corruption. Il a des séquelles psychologiques, il devient un peu taré, mais aussi des séquelles physiques, en fait. Si vous le voyez dans son aspect d'origine et dans son aspect, comme on peut le voir sur Hearthstone, il a de la lave qui lui coule de partout, etc. On sent qu'il doit pas aller très très bien, quoi. Et Ah, c'est pour ça que la carte est moche, en fait, sur l'illustration, en fait. C'est parce que... Oh, elle est non, pas moche. Moi, je la trouve super cool. Non, mais je sais pas, j'ai du mal à le voir, c'est vrai. Enfin, au niveau de sa mâchoire, c'est vrai, c'est un petit peu... Bah ouais, il a une Enfin, mâchoire. ça... Bah il a une mâchoire armurée, etc. Enfin bon, c'est Ouais, compliqué. donc... Mais toujours est-il qu'en fait, juste après ça, il est extrêmement affaibli. Et c'est un coup de bol parce que du coup, notamment Malfurion va réussir à en profiter pour lui voler l'âme du dragon. Il va y avoir de nombreux combats, de nombreuses batailles, et Neltharion va finir vaincu. L'âme du dragon est détruite et Eldemort est prétendu mort. Bien sûr, on l'a vu la dernière fois, il n'était pas vraiment mort. Pendant ce temps-là, Maligos, qui sombre un peu à peu dans la folie à cause du fait d'avoir perdu tout son peuple, sa compagne notamment, c'était aussi un des premiers dragons à s'être ragé à la cause de Neltharion quand il avait proposé la création de l'âme du dragon. Donc, enfin, il est indirectement responsable de la mort de Ouais, il son s'en peuple, veut. clairement. Et donc, Il perd son pote, quoi, aussi. il perd son pote, il perd sa nana, il perd ses gosses, c'est la Ouais, merde. Il va pas très très bien, il s'isole un petit peu, il déprime un peu. Et un jour, il décide de reprendre son rôle d'aspect à plein temps, et par à plein temps, je veux dire que, en gros, il estime que personne n'est digne d'utiliser la magie, et donc il commence à dégommer tout le monde et partir en croisade contre tous les mages d'Azeroth pour exterminer tout le monde. Donc oui, il a un peu pété un câble. On peut estimer que les dieux très anciens sont encore pour quelque chose là-dedans, c'est pas impossible du tout. Et donc, bien sûr, il finit par se faire tuer et laisse sa place au jeune dragon Caligos. Je dis, il finit par se faire tuer sans préciser, parce que là, on entre dans le background et l'histoire de World of Warcraft. Et donc, en fait, tout bêtement, Maligos devient un boss et est donc tué par un groupe de 15 clampins de l'Alliance ou de la Horde au pif qui se baladent là. Et qui est... C'est ça qui rend le lore un peu complexe, c'est que dès que ça rentre dans le MMO, y a des personnages qui meurent comme ça sans raison particulière Quel parce qu'ils se sont donjon fait qu'il est? tuer. C'est dans le Nexus, c'est le boss de fin du Nexus qui est un donjon de. Des Rose of Storm. Non, de Northrend, donc de l'extension What of the Lich King. J'ai bien dit, hein. Et donc, voilà, il se fait tuer et c'est le jeune dragon Caligos qui prend sa place en tant que casse-pied de la magie. Eldemort réapparaît des années plus tard et cause le cataclysme lié à l'extension du même nom. Je pense que vous en avez entendu parler dans World of Warcraft, l'extension Cataclysme où Azeroth est ravagé par le simple vol de Eldemort. Je vous conseille d'aller voir la cinématique d'ailleurs, elle est un peu exagérée mais elle est plutôt badass. Et surtout quand on connaît l'histoire d'Eldemort, ça explique tout ce qu'il raconte sur son retour, etc. et que le monde va sombrer. Voilà, c'est son grand retour triomphal où il veut à nouveau plier le monde à sa volonté. Voire même le détruire, en fait, carrément. Et pour le vaincre, en fait, les quatre aspects s'allient à l'Alliance et à la Horde pour le sauver. Donc, bien sûr, encore une fois, c'est un boss, donc il va se faire tuer par des aventuriers au hasard. Cela dit, petite parenthèse intéressante, c'est Nozdurmu qui remonte le temps et qui permet de voler l'âme de dragon à Neltharion quand il l'a créée pour s'en servir contre Eldemort du présent. Alors c'est complètement improbable parce que s'il est remonté dans le temps pour lui voler l'âme du dragon, techniquement il l'a plus actuellement et donc ça a modifié le coup présent, Stop, on etc. va commencer à parler de paradoxe temporel C'est parce que clair, mais on n'en bon, sort plus. là-dessus, bon, C'est vrai, il y bizarre a des ce choses un soir peu avec une chelou. pirouette, genre oui, c'est un univers parallèle, machin. Bon, comme ils l'ont fait dans World of Draenor, même si là c'est plus justifié. Mais donc voilà, toujours est-il qu'il remonte dans le temps, qu'il récupère l'âme du dragon et que Thrall s'en sert pour lutter contre Voldemort, qui finit par se faire tuer. Le combat acharné prend fin. Neltharion est mort, mais dans le combat, les quatre aspects restants ont perdu leur pouvoir. Et donc, Ah. c'est la fin de l'ère des dragons. Les cinq aspects ne sont plus, les cinq protecteurs d'Azeroth ne sont plus. Et donc, il n'y a plus de semi-dieux sur Azeroth, si ce n'est les dieux très anciens. Waouh. C'est beau. C'est beau, c'est beau. À savoir, toute petite parenthèse, le cadavre de Galakrond, le proto-drake du tout début, est toujours visible dans World of Warcraft, à Northrend, sur la Désolation du Dragon. Si vous êtes déjà allé dans cette zone, il y a eu un cadavre, enfin un squelette de dragon gigantesque, et bah vous pourrez vous vanter à tous vos copains de savoir qui c'est et de savoir comment il est mort. J'ai juste une question parce que on n'a pas parlé beaucoup. Enfin, t'as parlé beaucoup de Voldemort, t'as parlé un peu de Maligos, mais tout ce qui est Issera, Extrazat, on n'a pas eu beaucoup d'informations dessus. Bah, c'est. Est-ce que C'est-à-dire que. t'as. Il y a beaucoup de choses à dire. Il aurait eu plein de péripéties. Moi, je voulais vraiment me concentrer sur la naissance des aspects. Ils n'ont pas été mis de côté, quoi. Il y a eu vraiment une histoire pour eux également. Oui, bien sûr. Non, t'en fais pas. Il y a eu plein de choses. C'est juste que je me suis concentré sur l'essentiel. Et notamment, je voulais approfondir un peu l'histoire de Heldemort, qui est quand même un des world boss de WoW. C'est une carte de Hearthstone, et c'est aussi le papa de Nefarian et Onyxia, qui sont, enfin Nefarian du moins est très lié à cette dernière extension. Et oui, bah écoute, merci Edouard pour ta belle histoire, et je pense qu'on va pouvoir enchaîner maintenant avec les conseils pour les débutants. Ouais. Et on s'attaque maintenant aux conseils pour les débutants. L'idée, c'est qu'on va se poser la question de quelle carte crafter quand on débute. On a envie de se faire un deck efficace et on peut s'attaquer au craft de deck, de cartes assez rapidement. Et donc, la question, c'est quelle carte crafter pour ne pas le regretter, quelle carte crafter pour qu'elle rentre dans le plus de decks possible, etc. Et la première chose que j'ai envie de dire, c'est que c'est pas forcément les légendaires qui sont les plus intéressantes à crafter. Il y a beaucoup de joueurs débutants qui demandent quelle est la meilleure carte légendaire à crafter. Moi, je pense que les légendaires, on peut peut-être s'en passer. Par contre, il y a certaines cartes qui sont vraiment nécessaires, surtout dans les cartes de classe. Et donc, c'est là-dessus qu'on va commencer. Donc, Dylan, tu commences avec le druide ? Oui. Alors, dans le druide, il y a quelques cartes qui sont quand même assez importantes à crafter. Tout d'abord, la colère, qui est une carte vraiment passe-partout, j'ai envie de dire, parce qu'elle permet à la fois de piocher ou alors faire 3 de dégâts. C'est un des rares sorts du druide qui permet en début de game de gérer un peu la table. Et faut dire que le druide a des difficultés à ce niveau-là, donc c'est une très bonne carte. Le gardien du bosquet, qu'on retrouve un peu ce choix des armes, encore une fois, entre le silence ou les 2 points de dégâts, c'est une excellente carte qui est présente partout. Sans doute d'ailleurs le meilleur silence du jeu, je pense, le gardien du bosquet. Ensuite, nous avons en carte épique cette fois-ci l'ancien du savoir. Alors, qui est une carte qui peut paraître un petit peu chéros, hein, parce que c'est vrai que c'est une 5-5 pour 7, mais il faut pas oublier qu'il y a quand même encore une fois un choix des armes entre un soin de 5 PV ou piocher 2 cartes, et la pioche c'est très important. Ouais. Et surtout, 9 fois, savoir, sur 10, rend... 9 fois sur 10, il faut choisir la pioche de toute façon. Voilà, sachant que l'ancien du savoir est très intéressant et ça rend dans beaucoup de decks druides. Ouais. Et enfin, la dernière carte druide qu'on peut vous conseiller, c'est le druide de la griffe. Alors, pareil, choix des armes. Avoir une 4-6 provocation pour 5 ou avoir une charge 4-4, c'est très très bien si on veut jouer défensif ou si on veut jouer un peu plus agressif, c'est une carte vraiment passe-partout, surtout au début de game. Encore une fois, au début de jeu. Moi, je conseillerais quand même le druide de la griffe de plus le jouer en provocation, sauf si vous avez vraiment besoin de faire 4 points de dégâts très rapidement. Le druide de la griffe en provocation est quand même. Voilà, pour chercher des cartes, genre un hospice funeste, choses comme ça. Ouais. Mais donc voilà, ces cartes-là, c'est vraiment les 4 cartes qui vous faut pour quasiment tous les decks druides. C'est vraiment des cartes que vous pouvez crafter sans hésiter, que vous regretterez pas parce qu'elles rentreront dans quasiment tous les decks. Il y a éventuellement le combo aussi qui peut crafter. Oui, aussi, oui. Comment il s'appelle La force de la nature qu'il faut crafter, c'est encore une carte. Rugissement sauvage. Rugissement sauvage, ouais. C'est une de base. Si vous voulez jouer avec le combo, c'est vrai que ça peut être intéressant, mais je pense qu'on peut s'en passer. Mais oui, c'est vrai que c'est redoutable. Ensuite, le chasseur. Alors, on vous conseille la grande crinière, qui est une 6-5 pour 5, c'est ça ? Pour 6. Pour 6, excusez-moi. Ce serait ultra abusé, déjà qu'elle est très forte. Ouais. C'est le meilleur drop 6 du jeu. 6-5 pour 6 et qui a pour râle d'agonie d'invoquer 2 yens 2-2. C'est super puissant, c'est vraiment très très fort. Même si elle se fait silence, ça reste une 6-5. Enfin, c'est vraiment très très bon. Donc voilà, elle passera partout. En plus, c'est une bête, donc vous pouvez la booster, vous pouvez la mettre en provocation, etc. C'est très très bien. Ensuite, il y a l'arc corne d'aigle, qui est un arc 3 d'attaque pour 2 de durabilité, et qui va gagner 1 de durabilité à chaque fois qu'un secret va être activé. Du coup, on vous conseille aussi de crafter les 2 secrets qui vont avec, à savoir les 2 secrets les plus utiles du chasseur, c'est le piège de glace et le piège explosif. Piège givrant, pardon. Excuse-moi. Dans World of Warcraft, il y avait les 2 pièges de glace et piège givrant, et je confondais déjà les 2 à chaque fois. Donc, le piège givrant qui permet de renvoyer la première créature qui attaque dans la main de l'adversaire, et elle coûte plus cher. Et le piège explosif qui fait 2 points de dégâts à tout le monde. C'est vraiment 2 secrets très très puissants. Et si vous normalement, vous devriez avoir au moins l'un des 2 assez facilement, et donc on vous conseille de crafter l'autre. Et enfin, le lâcher les chiens, qui est un sort qui permet d'invoquer un chien 1-1 charge. pour chaque créature de l'adversaire. C'est extrêmement puissant, ça sert à plein de choses. Et donc voilà, c'est vraiment un must-have. On passe au mage. Je vais vous parler du mage. Le mage qui, contrairement aux autres classes, a beaucoup de cartes très fortes dans son set de cartes de base. Mmh. Et donc finalement, il n'y a pas énormément de cartes très importantes à crafter. Ce qu'on peut noter, c'est l'entité miroir, qui est très souvent utilisée. Mmh. Après, les autres cartes sont plus situationnelles et dépendent du deck que vous voulez jouer. Ouais. Ça peut être différents secrets si vous les orientez vers un deck plus tempo secret. Ou se contenter des cartes du set de base. Et sinon, ce qu'il faut noter aussi, c'est que la carte légendaire de classe, donc pas le Léviathan, mais l'Antonidas, est très forte. Et donc, si vous avez les moyens, la crafter, enfin, si vous voulez jouer mage et que vous avez les moyens, c'est une très bonne carte à crafter. Clairement. Donc, si vous avez vraiment envie de crafter une légendaire et que vous jouez mage, c'est plutôt celle-là. On va enchaîner avec donc maintenant le paladin. Alors le paladin, lui, a beaucoup de très bonnes cartes, mais encore une fois, on va vraiment synthétiser sur les meilleures cartes hein, qu'on considère. Au moins d'avoir une, c'est l'égalité d'abord. Donc l'égalité qui permet vraiment de s'en sortir en toutes les situations, au moins une, qui permet de mettre donc à toutes les créatures, tous les serviteurs sur table à 1 PV. Donc c'est quand même très pratique pour faire des trades, notamment avec les petites 1 qu'on peut invoquer. Surtout que le paladin n'a pas vraiment d'autres moyens de gérer. Et le combo consécration égalité qui permet de vider la table de l'adversaire, ou presque s'il y a des rats d'agonie évidemment. Donc vraiment très utile. Seconde carte qui arrive avec Gobelin et Gnome, c'est le mini robot blindé. Une 2-2 pour 2 avec un bouclier divin, c'est très fort. Ça permet de faire des petits trades faciles en début de partie. Le bouclier divin est vraiment une valeur en général qui est très forte. Donc n'ignorez surtout pas. Et en plus, c'est un mecha, donc ça combatte pas mal avec votre carte. Ça peut monter. Ensuite, le garde-paix de l'Aldor, c'est une 3-3 pour 3, qui a pour effet de mettre un serviteur adverse à 1 point de dégâts. Donc ça permet vraiment de calmer tout de suite les ardeurs des... Un point d'attaque. Oui, ce que j'ai dit. De dégâts. Bah, un point de dégâts, enfin, ça a un point d'attaque, oui, c'est plus clair. Donc ça permet vraiment de calmer genre un Dr Boom pour le calmer et mettre en A7. Et ça peut faire aussi des bons combos également avec justement des rues de Kodo par exemple pour pouvoir détruire la créature derrière. Après c'est comme je disais, comme le paladin n'a pas vraiment de moyens de gérer les grosses cartes, il faut ce genre de cartes pour pouvoir s'en sortir. Voilà. Et enfin on pourra citer la légendaire, donc également de base, hein, qui était présente dans le jeu, Tyrion Foldring, qui est juste une des meilleures légendaires du jeu probablement. Avec un gros game text, hein, pour 8, une 6-6 provocation, bouclier divin, râle d'agonie vous donne Ashbringer. Donc une arme 5-3. Donc vraiment, c'est une carte, il faut à tout prix avoir un silence dans le jeu pour s'en occuper. Et même un silence, ça reste une 6-6, c'est quand même une grosse carte. Donc c'est vraiment une carte très puissante et on peut pas ignorer. Là pareil, si vous avez les moyens, vous pouvez éventuellement crafter cette légendaire. On va passer au prêtre. Ouais. Donc sur le prêtre, il y a le combo Oshnai, cercle de soins, qui est joué dans quasiment tous les decks. Surtout que quand la méta est agressive, ça permet vraiment de nettoyer la table. C'est très efficace. Le vol d'esprit qui permet d'avoir un card advantage, on n'a pas forcément deux exemplaires dans tous les decks que prêtre, mais souvent on retrouve cette carte. Mais ouais, comme on l'a dit avec Neferian. Oui, ça permet d'avoir du card advantage, d'avoir plus de cartes que ce qu'on a en théorie dans notre deck. Et puis c'est une carte aussi un peu stratégique dans le sens où on peut voir aussi les cartes de l'adversaire dans un sens, et donc on peut... Ça permet de déterminer un peu quel type de deck il a par exemple, ça peut être utile. La flamme sacrée est pas forcément toujours jouée, parce qu'il n'y a pas toujours la place de la mettre, mais qui est une valeur sûre quand on débute, ça peut être bien de l'avoir. Après on peut s'en passer, mais oui, c'est quand même intéressant. Et ce qu'il y a à noter aussi, c'est qu'une carte qui est très souvent utilisée, surtout quand on a le combo Schneider Cercle de Soins, c'est le Maître Lame. C'est une carte neutre, qui n'est pas une carte du prêtre, qui combote aussi avec le Cercle de Soins. Donc ça permet d'avoir deux combos avec la même carte, le Cercle de Soins. Ce qui le rend beaucoup plus viable. Qui rend l'utilisation, la présence du Cercle de Soins beaucoup plus viable dans le deck. Et le Cercle de Soins combote de toute façon déjà très bien avec le prêtre, avec les clairs 1-3, clair. Là, etc. Ouais, clairement. Ensuite, pour le voleur, on a Éviscération, qui est une très bonne carte de dégâts, qui est pas si dure que ça à utiliser. Elle a le combo, mais bon, en soi, il est très facile à placer. Elle coûte pas cher, et bien. Ouais, c'est combien? C'est 2? C'est un sort pour 2 qui fait 2 points de dégâts, combo 4 points de dégâts. C'est ça. Donc en soi, vous pouvez assez facilement faire 4 points de dégâts pour 2 points de mana. C'est très chouette. On a l'agent du A6-7 qui fonctionne un peu sur le même principe, sauf que c'est une créature. Donc c'est une 3-3 qui, si le combo s'active, inflige 2 points de dégâts à la cible choisie. 2 points de dégâts, ça va chercher plein de choses, c'est vachement surtout pratique. Avec le combo avec la pièce. Oui, bien sûr. Oui. Permet de beaucoup de... prendre beaucoup de tempo rapidement. Ouais. Vraiment une très très bonne carte que vous regretterez pas. L'huile d'affûtage, qui est une carte de gnome contre gobelin qui permet de booster les dégâts de son arme et un serviteur aléatoire si elle est combattue. En combo. C'est bien ça ? Ouais. Mm-hmm. C'est combien ? 4 ? 3 ? C'est plus 3 plus sur 3. L'arme, plus 3 sur la créature. Donc c'est vraiment violent, enfin, gagner 6 points de dégâts comme ça sur un coup, ça peut vraiment faire des miracles. Ensuite, c'est le déluge de l'âme. le déluge de l'âme qui détruit votre arme et inflige ses dégâts à tous les adversaires. C'est ça. Ouais, c'est... Ouais. Donc, y compris le héros. Donc, des fois, bah, si vous avez bien boosté votre arme, vous pouvez donner un coup dans la tête, puis un déluge de l'âme pour refaire les dégâts dans la tête. Ça permet de faire un finish qui sort de nulle part. En plus de vider la table, bah oui, tant qu'à faire. Et ça coûte coup de. Et enfin, l'enseignante pourpre, qui est encore une carte neutre, mais qui combat très très bien avec tous les secrets, tous les sorts. Oui, mais c'est un voleur, il joue forcément avec des secrets, des tactiques et des ruses, avec tous les sorts à très bas coût du voleur. Voilà, on va passer maintenant au chaman. Alors, chaman est assez particulier parce qu'il joue encore une fois avec carte surcharge, donc on va en trouver quelques-unes qui vont être vraiment utiles. On peut citer par exemple l'esprit farouche, donc qui pour 3 invoque 2-3 provocations. Donc c'est assez fort. Alors, ça a une surcharge de 2 par contre, mais ça reste très fort parce qu'encore une fois, tour 3, vous mettez 2 créatures, 2-3 provocations. Ça fait un vrai bouclier pour vous défendre, ça peut faire aussi l'offensive. Et surtout, le chaman aime bien aussi quand il y a beaucoup de créatures sur table, et donc là, ça rend. Et même les 2 points de surcharge, sauf si vous les utilisez avec la pièce pour la sortir au tour 2, bah, au tour 4 il vous reste 2 points de mana, vous pouvez sortir un totem sans problème quoi. Voilà également, et ça combat avec d'autres cartes également. On a ensuite une carte qui est arrivée récemment avec Goblin et Gnome, c'est le Crépitement, qui est devenue une carte très très puissante, qui coûte que 2 et qui peut infliger entre 3 à 6 points de dégâts, donc ça reste aléatoire, mais encore une fois, faire 3 points de dégâts minimum, bon, pour 2 ça reste à peu près correct, mais faire 6 points c'est énorme, donc c'est vraiment très très bien, et ça a une surcharge de 1, donc ça reste correct. Surtout que le chaman peut avoir assez facilement des dégâts des sorts de plus. Voilà aussi. Ensuite, toujours dans la carte surcharge, la tempête de foot, qui est le sort de zone du chaman. C'est assez aléatoire, parce que ça inflige 2 à 3 points de dégâts, donc il y a une part d'aléatoire. On peut augmenter ses dégâts, évidemment, pour accentuer tout ça, encore une fois. Ça a une surcharge de 2 également, ça coûte 3. C'est très très bien, parce que ça, un petit zone, c'est toujours utile dans un deck, et le prochain la méta actuelle, avoir un sort de zone, c'est toujours intéressant. Oui, et surtout un sort de zone qui est très tôt dans le jeu, pour quand même des dégâts tout à fait raisonnables. Ensuite, nous avons l'Orion de Terre, alors, qui n'est pas une carte de surcharge, cette fois-ci, qui coûte que 1, qui réduit au silence, puis inflige un point de dégâts. Bah, c'est tout simplement une très, très bonne carte. Ça fait un silence vraiment très très peu cher, et ça peut tuer aussi des petites créatures facilement. On pense facilement au Drake du Crépuscule, hein, encore une fois, hein, qui réduit au silence et qui le tue instantanément. Ou alors des cartes qu'on ne sait pas trop gérer autrement, genre Sylvanas ou ce genre de choses. Voilà, Gérald d'Agonie qui sont pénibles. Et encore une fois, hein, c'est un silence pour 1, c'est vraiment, vraiment très très bien. Et enfin, la dernière carte qu'on conscient pour le chaman, c'est le totem vague de mana. C'est la meilleure pioche du jeu, tout simplement. C'est un totem 0-3 qui fait piocher une carte à la fin de ton tour. C'est très très très utile et ça fait piocher au moins ça coûte 3, ça vous fait piocher au moins une carte supplémentaire. Et au mieux, ça vous fera piocher 2-3 cartes de plus le temps que l'adversaire le gère. Ensuite, le démoniste. Donc pour le démoniste, une autre carte Goblin Gnome, la bombe de matière noire, qui a remplacé le feu de lame. Donc c'est 3 points de dégâts pour 2, donc voilà, c'est tout simplement très utile. Ah, c'est moins rentable que celle du mage, mais le démoniste en a quand même vraiment besoin en fait. Ensuite, l'éruption des diablotins. C'est une carte pareil qui inflige des dégâts des serviteurs, et qui te permet d'invoquer quelques tokens. C'est pas forcément toujours rentable quand on fait que 2 dégâts avec, mais c'est souvent efficace. Ensuite, le garde funeste. Surtout si avec l'éruption du diablotin, je te coupe un instant, c'est que surtout si on arrive à imaginons faire 4 points de dégâts, on peut tuer une créature et mettre 4 petits tokens sur table. Et encore une fois, comme j'ai dit plus haut avec la carte qui était annoncée pour la Croque Montagne, des petits tokens ça sert toujours à quelque chose. Et ça peut comboter encore une fois avec les decks démons. Ensuite le garde funeste, donc une 5-7 charge. Donc il y a une contrepartie qui te fait perdre 2 cartes de sa main. C'est toujours intéressant pour finir l'adversaire par exemple. On peut l'invoquer avec le voleur. Donc voilà, toujours intéressant à voir. Et enfin, le guetteur flottant, donc qui rentre pas forcément dans tous les decks. Quand on débute, ça peut être intéressant de l'avoir parce que ça peut très vite devenir hors de contrôle pour l'adversaire. Donc quand on débute, ça peut être, même si à haut niveau on la rencontre pas forcément dans beaucoup de decks, c'est toujours une bonne carte. Voilà. Et enfin, le guerrier. Alors le guerrier, c'est vraiment la classe la plus particulière, parce que actuellement c'est la classe qui demande le plus de grosses cartes chères, surtout des légendaires en fait. Actuellement c'est un guerrier qui se joue très très late et qui devient très très agressif sur la fin en de la partie. En général, un guerrier contrôle classique ouais. a au moins au minimum 5 légendaires dans le deck. Donc, si vous commencez et que vous savez pas quoi crafter, on vous conseille pas forcément de commencer par le guerrier. Ou alors jouer un guerrier agressif. Voilà, et si vous voulez jouer tout de même le guerrier, les cartes qu'on vous conseille c'est le sous-chef, qui a une 2-2 pour 2 qui inflige un point de dégâts à un serviteur et qui lui booste son attaque. C'est super pratique parce que ça a un potentiel et agressif et... Enfin, et défensif. Pas défensif, mais qui permet de booster ses créatures ou d'attaquer l'adversaire. Vous pouvez gérer tous les petits trucs chiants à un point de vie, genre les gnomes lépreux, etc. Vous pouvez les gérer très facilement. Ou alors, vous pouvez les sortir pour finir l'adversaire en un coup avec une attaque surpuissante. C'est extrêmement intéressant comme carte. On a ensuite la Vierge Guerrière, qui est une carte de gobelins et gnomes, qui donne 5 d'armure quand elle arrive sur le terrain. Ça donne vraiment plus de survivabilité au guerrier, ça lui permet de durer. Et surtout, c'est une 5-5 aussi, tu gagnes 5 points d'armure et t'as une 5-5 sur table. Oui, c'est clair. On a ensuite le Berserker Écumant, qui est pas forcément très très très très joué à haut niveau, mais qui reste viable. C'est une carte totalement viable, ouais. Elle est pas forcément jouée, mais elle a un potentiel énorme. Voilà, dans tous les cas, même, elle pourrait très bien rentrer dans n'importe quel deck sans aucun souci, c'est très très intéressant. Et enfin, si vous avez envie vraiment, vous pouvez bien sûr crafter Gromash, la légendaire de base du guerrier, qui est vraiment très très bien. Voire aussi celle de Gobelin et Gnome en fait. Hein, qui est beaucoup moins jouée, qui est chacun à son avis. Mais elle est quand même très très drôle. Moi je l'ai et je la trouve très chouette. Mais c'est vrai que plutôt Gromash en priorité, et toutes les autres légendaires, Alexstrasza, Izera, toutes les saloperies, Ragnaros, tout ce que vous avez envie. Voilà. On va passer maintenant aux cartes neutres. Mmh. Donc, dans les cartes. Très rapide, mais. Ouais, on va très rapide. Alors, il faut savoir que les cartes neutres, on va vraiment prendre celles qui rentrent à peu près dans tous les decks, encore une fois. On va parler tout de suite des silences, c'est-à-dire la chouette bec de fer ou le brise-sort au choix, hein, qui sont encore fois deux silences. Et les silences en jeu, c'est quand même très important. Il y a quand même beaucoup d'oral d'agonie ou encore des cartes avec effet. Et dans chaque deck, il y a au moins toujours au minimum un silence. Ouais, donc, très très conseillé d'en avoir un. Donc, la plupart des joueurs préfèrent une chouette bec de fer parce que ça coûte que 2, donc ça, on joue facilement. Mais après, si vous voulez quelque chose d'un peu plus solide, on peut jouer le brise-sort, qui est donc une 4-3, qui est un peu plus fort, mais qui coûte un peu plus cher. Ensuite, le jongleur de couteau, qui rentre un peu partout, qui est... C'est une 3-2 pour 2 qui envoie un couteau à chaque fois qu'une créature est jouée. Voilà, donc plutôt dans les decks agressifs. Dès que vous avez un deck un peu agressif, un paladin ou un chaman par exemple qui peut invoquer des tokens facilement, c'est super cool. Ensuite, l'acolyte. L'acolyte de la souffrance, ouais. Un des meilleurs moteurs de pioche du jeu. Enfin. Qui est particulier comme moteur de pioche, mais ouais. Qui fait piocher au moins une carte en fait. Donc c'est pas très dur à activer. Disons que quand on a besoin d'une pioche, on peut mettre un acolyte facilement dans certains decks. Ça apporte beaucoup mieux avec forcément le mage ou le guerrier, parce que c'est eux qui peuvent s'infliger eux-mêmes, donc ils peuvent piocher plus. Mais sinon, ça rentre bien aussi dans les paladins par exemple. Ouais, bien sûr, ça rentre bien dans plein de choses. Ensuite, la chasse au gros gibier. Mm-hmm. Indispensable avec la surreprésentation de Doctor Doom. On doit pas dire et aussi des autres cartes à plus de 7 attaques. Ouais, donc alors c'est une épique, mais vraiment si vous devez en crafter une, celle-là va vraiment faire. Non, seul exemple, ça suffit. Ouais, voilà. Le prophète du cercle terrestre. Qui a un soin tout à fait honnête. Une 3-3 pour 3 qui soigne, ça passe bien partout, surtout si vous jouez quelque chose comme démoniste ou des cartes qui se blessent elles-mêmes, ouais, vous pouvez soigner. Enfin, des classes qui se blessent elles-mêmes, vous pouvez vous soigner assez facilement. Golem des moissons. Oui, Golem des Moissons, une 2-3, Ral d'Agonie qui fait invoquer une 2-1. C'est un mecha, donc c'est déjà intéressant. C'était déjà une des cartes les plus conseillées à crafter avant Gobelin. Et aujourd'hui, encore plus. Et maintenant, encore plus. Ouais. C'est vraiment. C'est un excellent mecha. Et puis disons que ce qui est vraiment intéressant avec cette carte-là, c'est que même si la carte est détruite, ça laisse toujours une 2-1 derrière. Donc ça oblige l'adversaire à devoir gérer la créature qui est derrière. Donc c'est une carte très très forte. Ensuite, l'Argus, défenseur d'Argus, donc, qui permet de donner provocation et +1/+1. À deux serviteurs, donc toujours intéressant pour faire des trades intéressants. Ouais. Et Stéphane. Le brise-sort qu'on a cité tout à l'heure. Ouais. Le déchiqueteur pitolé. Piloté. Piloté. Bon bah voilà, vous pouvez chercher le déchiqueteur pitolé si vous le trouvez, craftez-le. Donc, le déchiqueteur piloté pour les mêmes raisons que le golem des moissons. Voilà, exactement. à Drake Azur pour sa pioche et son dégât des sorts. Et puis vu que la Black Rock Mountain, il faut le faire. Oui, c'est vrai, c'est un dragon. Robot de soins antique, là ça rentrera pas partout, mais c'est très très chouette. Dès que vous avez un deck un peu light, c'est très très chouette. Faut bien rendre compte que c'est un soin qui donne 8 qui rend 8 PV quoi. Alors certes, on paye 5 pour avoir une 3-3, mais gagner 8 PV, ça peut vraiment vraiment aider, et en particulier face aux chasseurs, des choses comme ça. Clairement. Ensuite, le commandant d'argent, donc la 4-2 qui a charge et bouclier divin. C'est chouette, ça va chercher plein de choses. C'est pas la carte la plus ouf du jeu, mais elle est vraiment chouette. Quand on débute, c'est très bien. C'est vraiment une très bonne carte. Et enfin, le marche-soleil, une 4-5 provocation avec bouclier divin. Bien sûr, provocation plus bouclier divin, c'est assez génial, on l'a vu avec le paladin. Comment il s'appelle? Oui, mais je parlais surtout de l'ennui au tronc, là. L'ennui au tronc, oui. Le paladin, mais l'ennui au tronc qui est une belle saloperie. Les deux ensemble, c'est vraiment très très c'était chouette. Le minor au beblindé, je pense que... Non. Non, moi je parlais vraiment de l'ennui au tronc. Non, provocation plus. Et enfin, si vraiment vous voulez vraiment à tout prix avoir une légendaire dans votre deck, parce que vous avez 1600 poussières, on en a sélectionné que deux pour le moment. Tout d'abord, Sylvanas, qui est une 5-5 pour 6, qui a comme effet de râle d'agonie de prendre le contrôle d'un serviteur adverse. Ça force un silence, et s'il n'a pas, l'adversaire n'a pas de silence, ça le force à devoir traiter toutes ses cartes dans Sylvanas pour essayer de donner la plus mauvaise pour vous. Donc ça peut vraiment bien contrer, surtout si l'adversaire commence à s'étendre. Donc c'est vraiment très très bien, et ça peut retourner une game. Donc, on conseille fortement. Et enfin, Dr. Boom, qui est. Qu'on doit pas dire son nom. Plus, voilà, c'est vraiment une carte très, très, très, très forte. Voilà, je pense qu'on a fait le tour des cartes qu'on pouvait crafter, ouais. C'est à peu près tout. Moi, j'aimerais juste insister sur le fait que si vous débutez et que vous savez pas trop dans quoi investir, il y a aussi les deux premières ailes de Naxxramas qui vous permettront d'obtenir Horeb, qui est une légendaire qui passe partout, les Crash Vases, qui sont les meilleures provocations du jeu, et les Rampantes, qui passent très très bien. Donc voilà, vraiment, trois très bonnes cartes que vous pouvez obtenir, pas en les craftant, mais en les cherchant pour le coup. Ouais, voilà. Je vais vous parler de quelque chose d'un peu différent, enfin de complètement différent même, et qui me tient quand même à cœur dans Hearthstone, c'est les modes de jeu alternatifs. Donc c'est des modes de jeu qui sont pas prévus directement dans le jeu. Donc les modes de jeu qui sont prévus dans le jeu, c'est les parties rapides, les parties classées et l'arène. Et donc c'est des parties qu'on fait entre amis, généralement plus fun, et qui ont des règles différentes de celles de base. C'est des phénomènes qu'on retrouve dans d'autres jeux, donc par exemple League of Legends où il y avait le All Random All Mid. Aram. Pour ceux qui connaissent, oui, l'Aram. L'Aram, donc pour ceux qui connaissent, c'est tous les héros, au lieu de se répartir sur les lanes, vont à la lane du milieu pour se combattre. Et donc ça apporte vraiment un gameplay différent et une façon de jouer différente. Et ce qui est rigolo, c'est qu'à la base, les joueurs se réunissaient dans des parties personnalisées pour faire ça, et au final, Riot a eu conscience de l'importance de ce phénomène et a décidé de l'ajouter. Ça, je voulais le dire plus tard, mais c'est pas grave. Ah, d'accord, désolé. Donc, dans Hearthstone, on a déjà quelques-uns qui existent, notamment la bataille de portail. Donc ça, c'est Mamie Twink qui me l'a fait découvrir, je sais pas si c'est lui qui l'a inventé. Et ça consiste à mettre un deck où on joue finalement qu'avec une carte, le portail instable. On a un Chroniqueur Show qui permet de multiplier la carte et de l'avoir à tous les tours. Et, le but du jeu, c'est de ne jouer qu'avec les portails instables et les cartes qu'elle nous donne. C'est donc ça joue que sur la chance finalement, et c'est assez amusant. Ensuite, c'est le jeu officiel de notre part de podcast. Ensuite, les modes de jeu un peu plus classiques. Parmi les modes de jeu alternatifs, c'est les decks aléatoires ou semi-aléatoires. Donc en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on va dans le mode de création de deck et on clique sur terminer sans avoir mis de cartes. Et on laisse le jeu choisir les cartes pour nous. Et donc ça donne des situations assez loufoques avec des decks complètement pourris, pas random, avec des synergies absentes généralement. Et c'est voire même sans regarder les cartes. Après oui, on peut jouer un deck, c'est vrai, sans regarder, on peut faire choisir 5 cartes et laisser le hasard faire le reste. Il y a aussi un mode qui permet au jeu de proposer 3 cartes. De suggérer des cartes et puis qui permet d'avoir un certain choix sur notre deck quand même. Ensuite, il y a un autre mode de jeu qui est le mode suicide. Donc là, Le but du jeu, c'est de mourir avant votre adversaire. Donc ça peut entraîner beaucoup de façons différentes de jouer. On peut imaginer des decks où on essaie de piocher le maximum pour avoir des dégâts de fatigue. On peut imaginer des decks où on joue démoniste pour jouer toutes les cartes qui nous infligent des dégâts à nous-mêmes. Ou même se suicider avec Jaraxxus et Pack Sacrificiel. Donc voilà, c'est un truc assez intéressant. Et on peut imaginer beaucoup de modes de jeu autour. Et il y en a un autre qui s'appelle la taverne du cochon qui pisse. Voilà, je fais que le citer. Si vous voulez chercher les règles, c'est un peu compliqué. On va pas avoir le temps de vous l'expliquer en détail. Moi, j'ai jamais compris encore. Hein, donc cherchez ça sur Hearthstone Deck, par exemple. Ou vous tapez ça sur Google et vous allez le trouver assez rapidement. Donc la taverne du cochon qui pisse. Ça, c'est un peu plus compliqué. On voit vraiment qu'il y a des règles assez complexes qui sont mises en place pour faire un jeu dans le jeu. Et c'est un phénomène assez intéressant parce que finalement, c'est permis d'utiliser des cartes plus fun qu'on n'utilise pas d'habitude parce que on les trouve un peu pourries ou trop aléatoires. Et ça nous permet vraiment de rejouer avec ces cartes qu'on voit pas d'habitude et peut-être de voir un potentiel qu'on avait oublié. Voilà. Puis surtout de varier et de faire des duels amicaux, j'ai envie de dire, sans prendre la tête et bien rigoler avec ses amis aussi. Donc, ensuite, ce qu'on peut voir, c'est peut-être qu'un jour, Blizzard mettra en place directement dans le jeu ce genre de choses comme ils l'ont fait dans League of Legends, comme l'a dit Edward tout à l'heure. Et ce qu'ils pourraient faire, c'est des choses encore plus poussées, puisque qu'on peut pas faire directement en tant que joueur. Parmi les choses de base, imaginez des parties avec plus de 30 cartes, avec plus de 32 vies, ou des trucs encore plus poussés en étant 30 fois la même carte, par exemple. Enfin, vraiment des trucs beaucoup plus compliqués. Ouais. Donc en donnant accès à plus de paramètres aux joueurs. Et donc voilà, ce qu'on voulait aussi vous demander, c'est si vous aviez ce genre de, si vous faisiez ce genre de choses, si vous aviez des modes de jeu à nous faire partager et à faire partager un peu à tous les auditeurs, n'hésitez pas à le faire et on reviendra. On est très friands, ça, nous. Ouais. On les testera et on vous dira ce qu'on en a pensé. On a testé pour vous. Et voilà, on arrive au courrier des auditeurs, donc tous les mails, j'allais dire les lettres, non, on n'a pas reçu de lettres, tous les mails que nous avaient envoyés, les commentaires qui ont été postés sur les différents sites, sur la chaîne, etc., on les a lus, et on a pris ceux qui étaient les plus constructifs, les plus intéressants, et on va y répondre très très brièvement. Alors, tout d'abord, Tristan Neveu, qui est celui dont on a parlé au tout début, qui nous a envoyé un gros mail pour nous répondre à tout ce qu'on a dit, tout ce qu'on a estimé sur les cartes annoncées, etc. Il a pris le temps d'y répondre et de donner son avis sur chacune des cartes qu'on a données. Je vais pas répondre à chacun des trucs, mais voilà, dans l'ensemble, un gros merci à lui. C'est aussi lui qui nous a aidé donc à faire l'écriture de cet épisode. Donc un double gros merci à lui. Alors il commence par: j'ai écouté ce premier épisode attentivement, il trouve ça génial, l'idée y est, la motivation n'est pas feinte, les transitions et les travails y sont, bref, vous avez tous les atouts pour faire un carton. Et ben merci beaucoup, ça fait super plaisir de lire ce genre de truc, ça a été pas mal de boulot de préparer ce premier épisode, et donc bah, avoir ce genre de commentaires, ça fait vraiment chaud au cœur. Il insiste aussi sur le fait que dans notre rubrique conseils pour les débutants, qu'est-ce qu'il faut acheter, acheter les deux premières ailes de Naxxramas comme on disait tout à l'heure, ça permet de donner très vite l'accès aux Rampantes, aux Crash Vase et aux Reb, qui sont des cartes vraiment primordiales pour Hearthstone. Ensuite, on va passer à Steve qui nous parle donc du moyen de diffusion du podcast. Et donc, qui nous dit qu'à la base, un podcast, c'est pas fait pour être diffusé sur YouTube. Donc, c'est vrai que nous, on s'est appuyé sur la chaîne Takezoke Editor pour avoir une diffusion plus facile au début. Mais on a diversifié, donc, entre deux, assez rapidement, les moyens de diffusion du podcast. Donc, vous pouvez le retrouver, comme on l'a déjà dit, sur iTunes, sur PodCloud, sur YouTube toujours. Et voilà, je pense que c'est tout. Ouais, d'ailleurs, ouais, c'est lui qui m'avait conseillé directement de contacter PodCloud. Et donc, un gros merci pour ça, parce que je l'ai fait, ils étaient très sympas. Et ça nous a permis de mettre le podcast sur iTunes. Ensuite, il nous a félicité pour le podcast. Il nous dit là, du coup, on s'était bien débrouillé, donc merci à lui. Merci Steve. Justement, c'est la transition parfaite, je viens de faire un E. Donc, quelques problèmes de diction. et les E. Donc voilà, c'est sûr que c'est présent. Comme on l'a dit, voilà, c'était notre premier essai. Là, on en est qu'à notre deuxième émission, c'est encore le tout début, et c'est sûr qu'on n'est pas encore forcément toujours super à l'aise. On attend de se perfectionner, etc. Ouais, clairement, ça ne peut que aller vers quelque chose de mieux. Et des félicitations, Edouard, pour toi, pour ta rubrique sur le lore de World of Warcraft. Ouais, bah merci beaucoup, je suis content de voir que cette rubrique plaît. On va maintenant passer aux commentaires de ZKL. ZKL qui nous dit qu'il avait trouvé notre podcast vraiment intéressant, que ses animations étaient bien documentées, variées, et que ça lui parlait beaucoup en tant que joueur en Rig Leaderstone. Qu'on sent qu'on s'y connaissait et qu'on aimait beaucoup le jeu. Bah, c'est vrai, on est un peu fan de Hearthstone. Et que c'était vraiment agréable et ça lui parlait. Donc, écoute, merci, content de réussir un peu notre but finalement de cette émission également. Hein. C'est à peu près pour ça qu'on le fait. Alors pour lui, la rubrique qu'il a trouvée la plus intéressante, c'était celle sur les nouvelles cartes et leur implication sur la méta. C'est là qu'il a appris le plus de trucs, donc content d'avoir appris des nouvelles choses. Alors c'est vrai que là aujourd'hui, on a essayé de re-suivre un peu ce parcours. Alors à l'avenir, quand il y aura des extensions, on va continuer bien sûr à en parler. Mais certains épisodes, on va pas forcément parler toujours des cartes. Mais... A priori, il n'y aura pas de nouvelles cartes tous les mois. Voilà. Surtout quand il y aura une nouvelle extension, ils vont sortir 120 cartes d'un coup. Là. Ouais, ouais. Ça va être un peu compliqué. Il va falloir faire une émission spéciale de 10 heures. Donc je pense pas qu'on va faire vraiment enfin au niveau des cartes, je sais pas comment on va goupiller, mais bon, on trouvera toujours un bon moyen en tout cas pour animer ce podcast. Clairement. Au niveau de la durée, donc il nous avait qu'une heure 30, c'était très bien, il fallait pas plus pour moins. Alors je sais pas combien de temps on en est exactement dans ce podcast, mais je dirais qu'on en fait un peu plus. je dis ça au hasard, hein. je sais pas trop, mais bon, bah désolé d'avance si vous trouvez que c'est un petit peu trop long, on en est un peu conscient, mais on fait de notre mieux. Ensuite, alors là il revient sur des critiques un peu plus négatives, on va dire. Ouais, il en faut un peu, on commence également. Les critiques généralement c'est pas positif. Hein. Oh, si. Bon, ça peut être. Là il nous dit que c'est un gros consommateur de podcasts et qu'il devient assez exigeant. Il veut qu'on règle par rapport à nos micros. Alors on fait de notre mieux, encore une fois. Hein. On a pas de micro bas de gamme non plus, mais on a des micros jouer, pour parler entre nous. C'est pas du micro professionnel, encore une fois. Hein. C'est pas. Puis c'est Dylan qui parle trop fort. Voilà, non, mais je lui avais répondu, je sais plus s'il avait passé un. Ouais, je crois qu'il avait passé un mail et je lui avais répondu sur le fait que les problèmes de micro, ça vient de deux choses. Déjà, du fait qu'on record via internet et donc on perd un peu de qualité, mais ça, c'est pas possible autrement parce que DIM il est loin et aussi on a des emplois du temps un peu chargés, donc ce serait vraiment beaucoup plus compliqué de devoir se retrouver IRL à chaque fois qu'on voulait faire un record. Ça, c'est sûr. Et ensuite, oui, bien sûr, le problème du micro, mais bon, sachant qu'on fait ça gratuitement, qu'on gagne pas d'argent là-dessus, etc., on n'a pas vraiment la moyen d'investir dans un micro. Voilà. Et le dernier point mis en avant, c'est une question plus par rapport, en fait, à notre... ligne éditoriale. Disons, ligne éditoriale, voilà, exactement. Par rapport à notre émission, est-ce que les débutants, gros casu, vont écouter votre podcast? J'en suis pas certain. À mon avis, il serait plus intéressant de vous concentrer sur un type de joueur, le joueur rigolier qui connaît le jeu, qui comprend des termes techniques basiques sans avoir besoin d'explications. Alors, on essaie d'aller un peu dedans. C'est vrai que, par exemple, le BGH, on n'a pas expliqué que c'était vraiment le Big Game Hunter, le Leader, c'est bon. On parle quand même entre nous, entre joueurs, et c'est vrai qu'on reste un peu à cet aspect-là. Malgré tout, on garde la partie sur les conseils pour les débutants parce qu'on pense que c'est pas inintéressant non plus. Et en règle générale, ça pose aussi des questionnements, même pour les joueurs un peu plus réguliers et qui connaissent un peu plus ce jeu. Je pense que même à haut niveau, se poser des questions sur quelle carte il faut crafter au début, ça peut peut-être aider aussi à se poser des questions sur la méta, choses comme ça. On a tous un ami qui débute et qui nous demande des conseils, et c'est aussi à ça que ça sert. Ouais. Mais voilà, moi je pense que l'émission, elle doit rester quand même tout public, entre guillemets. Et donc, elle doit rester ouverte. L'idée est là, on est conscient, mais dans l'ensemble, je pense qu'on respecte un peu les deux. En fait, on reste assez ouvert sans être non plus trop enfantin, entre guillemets. On essaie de pas trop parler avec les termes anglais, même si c'est toujours difficile. Mais, voilà, mais après, de toute façon, on réagira en fonction de la communauté. Si tout le monde trouve qu'on est trop casu ou qu'on est trop hardcore, et j'ai des doutes quand même. Mais si vous trouvez que ça va pas là-dessus, vous nous envoyez un mail et bien sûr, on en tiendra compte. Hein. En tout cas, merci Cal pour ton commentaire. Ouais, merci pour tes critiques. Et on a enfin Sofiane Balota qui nous a passé un mail un peu plus court pour nous dire, alors je voulais simplement vous dire que votre podcast est génial, je l'ai écouté au travail et fini en rentrant chez moi. C'est l'idée, c'est que vous pouvez l'écouter un peu comme vous voulez et content que ça t'occupe pendant ton travail. Je sais pas ce que tu fais, j'espère que c'est pas un truc qui demande trop de concentration. mais content d'avoir pu égayer une après-midi de travail. Ce que j'aime bien chez vous, c'est que vous avez des avis différents, mais que chacun a les raisons de son choix. Écoute, tant mieux, c'est un peu l'idée, c'est que voilà, on débat un petit peu malgré tout, même si on essaye d'organiser ça à l'avance, c'est quand même plus ou moins un débat, et donc chacun a son opinion, et on n'est pas toujours d'accord, mais voilà, ça enrichit le truc. Et enfin, tu finis sur le temps du podcast est parfait, pas trop court, pas trop long. J'espère que ce sera aussi le cas pour ça. Je m'excuse d'avance, je sais même pas combien il va durer, mais je m'excuse d'avance. Je pense qu'on a largement dépassé l'heure et demie. On essaiera de faire mieux la prochaine fois. Et c'est tout pour le courrier des lecteurs. Voilà, merci. Donc, si vous voulez encore une fois nous contacter, vous mettez un commentaire tout simplement sur sous la vidéo, sous le podcast, enfin bref, sur les sites où vous avez récupéré le podcast. Vous pouvez également nous envoyer un commentaire maintenant à travers Twitter, hein, avec le portail Insta, enfin portail Insta directement, @portailinsta, et sur la page Facebook également, hein, petit sur la page Facebook portail Insta tout simplement. Et également nous envoyer un mail directement sur notre boîte mail portailinsta@gmail.com. Les mails, c'est un peu le plus sûr. Si vous avez des longues critiques à nous faire, c'est vraiment le plus simple pour vous comme pour nous. Donc on vous invite à passer par là si vous avez vraiment quelque chose d'important à nous dire. On est très friands. Nous, à chaque fois qu'on recevait un de vos mails, on était tout contents. On s'envoyait un SMS. Il y a machin qui a envoyé un mail, va voir. Non, mais voilà, c'était vraiment chouette d'avoir vos retours sur ce premier épisode. On est vraiment très contents que ça vous ait plu. C'était vraiment un essai pour nous et ça a eu un succès plutôt pas mal, quoi. On est vraiment agréablement surpris de l'ampleur que ça prend, et on vous remercie beaucoup pour ça. On tient à remercier encore une fois tous les sites qui ont parlé de nous, donc Earth News, Hearthstone Deck, Blizzard. Merci à eux, ils ont fait l'article. PodCloud, bien sûr, qui nous a permis d'arriver sur iTunes, et qui ont été très très sympas. J'ai discuté avec eux sur Twitter, ils m'ont pas mal aidé à organiser mon truc, c'était très chouette. Et je pense que c'est tout pour les remerciements. Bon, encore merci à Tristan Neveu qui nous a aidés. Merci à vous deux de m'accompagner pour ce deuxième épisode. Merci à toi. Et voilà, donc bien sûr, le mail, l'adresse du Twitter, du Facebook, du YouTube, vous pourrez les retrouver dans la description de toute façon. Sinon, vous cherchez sur Google Portail Instable, vous devriez trouver ça sans problème. Juste le mail, c'est portailinstable@gmail.com, sans tiret, sans trait, sans rien. Et donc voilà, n'hésitez pas à nous contacter, à nous faire vos retours. Et je sais pas, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter pour la fin ? Oui, moi j'aimerais ajouter que maintenant, si vous voulez participer au grand concours de printemps, il suffit de nous envoyer un mail. Non, je plaisante, il n'y a pas de concours de printemps. T'as vu le printemps, t'as vu le temps qu'il fait dehors, mec. Bleu averse. Ouais, mais c'est l'esprit du printemps quand même qui est là. Plus sérieusement, merci encore une fois de tous vos retours, de votre générosité aussi dans vos mails, dans vos commentaires, et de vos encouragements pour la suite. Ça fait vraiment chaud au cœur. On n'a pas parlé de la fréquence à laquelle on allait sortir. Oui, c'est vrai, c'est parce qu'on ne le sait pas encore vraiment. Là, pour le coup, on a eu combien ? On a eu moins d'un mois entre les deux épisodes. Ce ne sera pas forcément toujours le cas. Il risque d'y avoir des fois des périodes un peu plus longues. Peut-être des périodes plus courtes, j'en suis pas sûr, mais pourquoi pas. On n'a pas vraiment fixé de durée précise. On a chacun des emplois du temps un peu compliqués. On est étudiant, on a parfois beaucoup de boulot. Et donc, on fait ça quand on peut, quand on a le temps, et quand on a des choses à dire aussi, bêtement. Sur ce, est-ce que c'est tout ? Tu veux rien ajouter ? On va leur dire au revoir. Au revoir. On vous souhaite une bonne journée. Une bonne soirée, un bon appétit. Tout ce que vous voulez, un bon appétit. Si vous écoutez le podcast en train de manger, c'est bizarre, quoi. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Je sais pas, oui, non, faites ce que vous voulez, on vous juge pas. On vous remercie une dernière fois pour tous vos mails. On vous encourage à nous en écrire encore. Et on vous dit à la prochaine. Ciao. Salut. Salut.